Bonsoir à tous. Bienvenue sur cet enregistrement de partie du jeu de rôle Influenza. C'était un enregistrement qui a pour but de présenter un petit peu au lecteur d'Influenza comment se passe une partie, notamment parce qu'il va présenter le mode carte blanche. Dans le livre, il y a un exemple de partie, mais il est en mode carte rouge. Donc, je souhaitais nécessaire en fait d'avoir un autre exemple pour le mode carte blanche principalement. Donc, voilà, on va faire un enregistrement de partie qui va durer 2 heures environ. Alors, je ne sais pas à l'avance si on arrivera à faire une partie entière. Ma priorité ce sera surtout qu'on ait pu voir les mécanismes de jeu principal et qu'on ait pu voir un petit peu comment s'articule le jeu. Donc avec moi j'ai 3 personnes qui ont été volontaires pour se prêter au jeu. Donc, tout d'abord Scarlett, bonsoir. Bonsoir. Donc, toi Scarlett, tu n'as jamais joué à Influenza. Donc ça m'arrange très bien parce que du coup tu joueras le rôle en fait du joueur Candide à qui je devrais fournir toutes les explications nécessaires. OK. Également avec nous avons Laurie, bonsoir Laurie. Bonsoir. Voilà, donc toi Laurie, tu as déjà joué une fois avec moi. Oui, en mode Donc carte blanche, mais en voilà, on solo. va... tout à fait. Du coup, tu es celui qui a le plus d'expérience. Tu vas me servir un peu de béquille parce que du coup, tu pourras te permettre d'être un peu plus proactif, d'être un peu plus détaché des règles. Ce qui permettra aux joueurs de voir comment se comporte quelqu'un qui a un petit peu d'expérience avec les règles. Et puis donc, pour finir, Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Donc, quant à toi, Philippe, tu as été relecteur, hein, comme Laurie d'ailleurs, sur le livre Influenza. Mais par contre, tu n'as jamais joué, hein, je crois pas. Hein. Non, jamais. Voilà, bon, bah très bien, du coup, ça tu feras le parfait intermédiaire. Tout à Et fait. donc, je crois que j'ai oublié de me présenter. Donc, moi, je suis Thomas. En fait, je suis l'auteur du jeu. Donc, voilà. Alors, juste un petit commentaire avant de commencer le jeu proprement dit. Il est tout à fait possible qu'en cours de partie, il y ait des critiques qui vous viennent à l'esprit. Enfin, plus exactement, qu'il y ait quelque chose dans le jeu que vous aimiez pas. Alors, je vous inviterai, en fait, si vous avez des critiques, à les formuler à la fin de la partie. On fera un petit débriefing qui, je pense, sera pas enregistré. Un petit débriefing rapide. Par contre, en fait, quand vous avez une critique que vous avez besoin d'exprimer en cours de jeu, tout simplement parce que ça vous bloque dans le jeu, il vous suffit de dire, plutôt que de dire j'aime pas ci, j'aime pas ça, il vous suffit de poser une question. Je vais prendre un exemple. Il y a un point dans les règles qui rencontre pas toujours l'unanimité, c'est les thèmes. En fait, ce sont des contraintes à appliquer quand on joue. Et par exemple, si vous avez une critique à émettre sur les thèmes, plutôt que de dire j'aime pas le fait de devoir respecter les thèmes, vous pouvez poser une question, par exemple, est-ce que je suis obligé de respecter les thèmes tout le temps? Et là, en l'occurrence, sur cette question, je vous répondrai que non, en fait, l'application des thèmes, elle est facultative. C'est quelque chose qui est censé apporter du jeu, apporter de l'histoire. Mais en fait, quand ça nuit à la fluidité, il vaut mieux les ignorer, quoi. Est-ce que vous avez compris le principe? C'est-à-dire que plutôt que de faire une critique, on pose une question. Ça, c'est tout à fait utile, même en cours de jeu. Comme ça, du coup, même si du coup c'est des questions qu'on peut se poser nous, ça peut être aussi des questions que potentiellement la personne qui regarde cette vidéo peut se poser aussi. Donc du coup, plus ça sera quelque chose de ça sera plus fluide, disons, pour toi d'arriver à concevoir et à répondre aux différentes questions qu'on pourra avoir, quoi, du coup. Tout à fait, ouais. Ok. Donc, de toute façon, pendant la partie, c'est vraiment une partie test, c'est une partie pour expliquer les mécanismes. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment si vous avez besoin de poser une question, même si vous avez l'impression que ça casse un peu le rythme du jeu. Bon, les gens qui vont écouter cet enregistrement savent que de toute façon, ça risque d'être un peu haché. Par le futur, je pense que je ferai d'autres enregistrements de partie où je serai moins dans l'explicatif et ce sera peut-être plus dans le plaisir du jeu, quoi. Là, en l'occurrence, ce soir, on va prendre le temps de bien faire comprendre les mécanismes. Moi j'ai une question, puisque le but c'est de faire comprendre si quand on va arriver sur un jet, est-ce que c'est au joueur de dire j'utilise telle phrase, je lance tant de dés, j'obtiens tel résultat, ou est-ce que c'est toi qui vas décrire ce qu'on fait? Non, le, je vous demanderai de, je vous demanderai, par exemple, quand vous jetez des dés, vous direz, je jette 3 dés, j'ai obtenu tel score, tel score, tel score. Dans la partie, effectivement, la feuille de personnage, en fait, ça va être des phrases qu'on va écrire les unes à la suite des autres. Donc, je vous demanderai de dire à haute voix, quand vous écrivez une phrase, vous direz à haute voix la phrase que vous écrivez, et à chaque fois, et plus tard dans le jeu, à chaque fois que vous utiliserez une phrase, vous demanderez de la répéter à nouveau. Et juste quand tu dis d'écrire les phrases, c'est Ouais. des phrases qu'on écrit donc dans le chat à côté ou Non, non, du tout. En fait, tu peux avoir le plus simple, je pense, c'est d'avoir une feuille de papier à côté de toi, et puis d'écrire au fur et à mesure, quoi. Ou tu peux écrire Ok. sur un document en texte, mais en fait, y a pas besoin de le mettre dans le chat. Moi, de mon côté, en fait, quand vous le direz à haute voix, je les recopierai pour moi, de toute façon. Pas de souci, ça marche. Hop. Alors, je vais commencer par vous présenter le jeu avant de se lancer dans la partie proprement dite. Donc là, c'est pareil, même pendant la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, Inflorenza, ça se passe dans un univers de fiction qui s'appelle Milvaux. En fait, Milvaux, c'est notre bonne vieille Europe, mais dans le futur. Alors, un futur pas très riant, en fait, puisque la civilisation a quasiment disparu. Et une forêt immense recouvre entièrement le continent. C'est une forêt qui est hantée à cause d'un phénomène magique qu'on appelle l'égrégore. L'égrégore, en fait, c'est la somme de toutes les hantises humaines qui en fait qui façonne la forêt de Milvaux jusqu'au cauchemar. Il y a un autre phénomène en fait qui fait que cette forêt est très dangereuse, c'est la corruption. En fait, la corruption, c'est une sorte de contamination biologique. Un agent mutagène en fait qui fait que toute la faune et la flore en fait sont devenues extrêmement extrêmement volatiles, extrêmement développées et extrêmement hostiles. Donc vous imaginez une forêt géante avec des arbres mutants dangereux et puis tout un tas de bestioles tout aussi dangereuses. Et parmi ces bestioles, il y a ce qu'on appelle les Orlas. En fait, les Orlas, ce sont des monstres. Il n'y en a pas de description précise en fait, parce qu'il y en a sans doute tout un tas de sortes. C'est des monstres qui ont été façonnés par l'égrégore et par la corruption et qui peuvent être très dangereux. Et en fait, dans cet univers, vous allez jouer des héros, des salauds et des martyrs. Alors vous allez me dire, c'est très vaste, hein, c'est effectivement le cas. Généralement, au début de la partie, vous allez définir si vous êtes plutôt un héros, plutôt un salaud, plutôt un martyr. Alors, vous n'êtes pas obligé de le dire à haute voix, mais dans votre tête, généralement, vous faites une idée. Et puis, l'idée, c'est d'essayer de, vous allez peut-être essayer de garder le cap, de garder les valeurs morales que vous êtes définies au départ. Mais vous allez voir que l'univers risque de vous briser, en fait, et de risque de transformer votre personnage contre votre gré. Donc c'est un petit peu le but du jeu en fait, c'est de voir si on est capable de maintenir les valeurs de son personnage, ou si on va évoluer. Ou alors des fois, bon, on peut aussi prendre plaisir justement à accompagner cette évolution en se disant au départ, ouais, je vais jouer, je vais être un véritable salaud, mais ça peut être intéressant si au bout d'un moment, finalement, je me comportais de façon héroïque ou si je me sacrifiais en martyr pour les autres. Ce sera à vous de voir comment vous faites, si vous êtes plutôt dans la résistance ou si vous accompagnez cette évolution. Sachant que vous n'êtes pas n'importe quel héros, en fait, vous avez quasiment, en fait, vous êtes gorgé d'égrégore, cette fameuse énergie magique qui est présente partout dans Milvaux. Et ça veut dire que potentiellement, vous êtes capable de tout. C'est-à-dire, vous pouvez jouer quelqu'un d'assez faible. Mais il est aussi possible que vous développiez des pouvoirs qui peuvent être dévastateurs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'égrégore fait que vous êtes souvent des êtres passionnés qui vont affronter l'univers, mais il y a des chances aussi que vous affrontiez entre vous. Et ce qui est important, c'est que vous pouvez tuer quelqu'un avec une épée, mais vous pouvez aussi le tuer avec un mot d'amour. En fait, à cause de l'égrégore, les sentiments sont tellement exacerbés, voilà, qu'on peut tuer avec des sentiments, On peut faire des choses folles à des kilomètres de distance, rien que par la pensée. Donc ça, c'est une chose qui est importante à retenir. C'est vraiment le potentiel de vos personnages. Pour finir, hein, sur les explications sur le jeu, c'est un jeu donc qui est centré sur les personnages. Vous allez voir qu'il y a très peu de PNJ. Les PNJ, c'est ce qu'on appelle les personnages non joueurs, les figurants, c'est-à-dire c'est les personnages qui ne sont pas joués par vous. Et généralement, sont pas au centre de l'intrigue, c'est vos personnages qui sont au centre de l'intrigue. Et on va dire que les figurants, ils sont là plutôt pour vous servir la soupe. Voilà. Donc sinon, pour finir avec les intentions du jeu, c'est un jeu qui est aussi centré sur l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a une dramaturgie qui est soutenue par les règles. Et l'idée, c'est que faut pas hésiter à prendre des décisions un petit peu en dehors du personnage, juste pour avoir une histoire qui soit plus belle ou plus tragique. Bon, surtout que là, vous allez voir que c'est un one shot, c'est une partie en 2 heures. Donc traitez un peu vos personnages comme des voitures volées, hein. C'est pas gravissime si votre personnage y meurt, s'il le fait dans une belle action. Sachant que si votre personnage meurt, vous pouvez en recréer un nouveau de suite, quoi. Vous allez voir, la création de personnages est très rapide. Donc considérez que vos personnages ne sont pas sacrés, quoi. Sauf si, bon, si vous y attachez, évidemment, faites tout pour les faire survivre. Mais si vous trouvez intéressant qu'ils aient une mort héroïque, même en cours de partie, ça peut être intéressant également. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est très clair pour moi. J'attends de découvrir la suite pour avoir vraiment des questions plus pertinentes. Ouais, bien sûr. Alors, je vais démarrer avec le. Je vais vous expliquer le contexte de la séance, et puis seulement après, on démarrera avec les règles. Parce qu'en fait, tout ce qui est règles et mécanismes, j'aime pas trop expliquer tout d'un bloc, donc j'expliquerai au fur et à mesure en essayant d'introduire les mécanismes seulement au moment où on en aura besoin, quoi. Donc, tout d'abord, le contexte. Alors là, c'est un scénario qui s'appelle. La forêt du docteur Chestel. Alors c'est un bien grand mot de dire que c'est un scénario. Le terme technique, c'est plus exactement, c'est un théâtre. C'est-à-dire que c'est juste une scène de départ qui donne une direction, mais en fait, vous allez voir qu'il n'y a aucune scène prévue à l'avance. C'est très ouvert, en fait, dans le but justement de laisser de la place à votre personnage. Donc j'ai aucune idée de comment les choses vont se dérouler, quoi, pour être plus clair. Donc cette séance s'appelle La forêt du docteur Chestel. En fait, c'est en hommage à un jeu de rôle dont j'aime beaucoup l'intention, qui s'appelle La méthode du docteur Chestel. Dans La méthode du docteur Chestel, on joue des thérapeutes qui essaient de soigner un patient en psychiatrie, en fait. Et pour le soigner, il s'aventure dans ses rêves, en essayant de trouver la cause de ses traumas dans ses rêves, et en essayant de le guérir à travers les rêves. Alors, qu'est-ce qu'on reprend en fait de ce jeu de rôle dans ce scénario-là, La forêt du docteur Chestel? On reprend le fait que vous jouez des scientifiques. D'ailleurs, vous jouez pas des psychiatres, hein, comme dans la méthode du docteur Chestel. Là, vous allez jouer des neurobiologistes. Et on reprend aussi l'idée que vous êtes capable de voyager dans les rêves des patients. Sachant que, par contre, vous faites pas forcément dans le but de guérir des maladies. Vous faites plutôt dans le but d'étudier le fonctionnement du cerveau, d'étudier l'inconscient, et des fois éventuellement de trouver des réponses, quoi, qui pourraient être cachées dans l'inconscient de quelqu'un. Sachant que vous êtes pas n'importe quel neurobiologiste, vous êtes des neurobiologistes qui habitaient en Suisse. Donc la Suisse, elle est donc au cœur du continent de Millevaux. Et c'est un pays très particulier en fait dans l'univers de Millevaux, parce qu'elle a été en partie épargnée par l'égrégore et la corruption. Et par conséquent, en fait, ils ont réussi à sauvegarder leur civilisation, et même encore, ils ont même réussi à la développer en fait. C'est-à-dire que la société suisse, du coup, est une société vraiment futuriste, alors que elle est entourée en fait par les montagnes des Alpes, qui les protège en fait du reste du continent. Reste du continent qui a plutôt sombré dans la barbarie, quoi. Et en fait, les Suisses font plein d'études scientifiques, notamment en fait dans le but de se protéger contre le reste du millevaux. Et puis éventuellement, pourquoi pas, de trouver aussi une solution, quoi. C'est-à-dire que les scientifiques suisses perdent pas espoir en se disant peut-être qu'on a un jour on arrivera à arrêter la corruption, on arrivera à arrêter la forêt. Il y a un autre challenge en fait que les neurobiologistes suisses essayent de relever, c'est le syndrome de l'oubli. Le syndrome de l'oubli, c'est une maladie génétique qui atteint en fait tous les humains dans Millevaux, y compris les Suisses hein, d'ailleurs. Et en fait, le syndrome de l'oubli touche la mémoire émotionnelle. C'est-à-dire que vos souvenirs qui sont liés à vos émotions, c'est-à-dire les événements de votre passé, par exemple tout ce que vous avez pu vivre avec vos proches, avec vos parents ou même avec vos ennemis, vous pouvez les stocker que pendant 3 ans. Imagine en fait que la mémoire est un disque dur, quoi, qui a que 3 ans de capacité. Et en fait, pour enregistrer des nouveaux souvenirs, il faut effacer les plus anciens, et ainsi de suite, quoi. Alors, c'est très handicapant. Heureusement, les scientifiques suisses ont conçu un sérum qui s'appelle le sérum de mémoire cellulaire, donc qui est diffusé seulement en Suisse hein, parce qu'il est assez cher à produire. Et en fait, les Suisses se méfient trop. Les Suisses. Alors, attention, hein, quand je dis Suisse, je veux pas faire des gros clichés sur la nation suisse. Hein, j'aime beaucoup ce pays. Hein, je salue d'ailleurs éventuellement les Suisses qui pourraient nous écouter. Donc, quand je dirais Suisse, ça veut toujours dire les Suisses de Millevaux, qui eux en fait sont un petit peu paranoïaques, mais on peut les comprendre, hein, parce qu'en fait ils sont entourés par un enfer vert, quoi. Mais faut pas du tout penser que je dis que les Suisses d'aujourd'hui sont paranoïaques ou sont isolationnistes. Je pense pas que ce soit le cas d'ailleurs. Donc voilà, hein, j'espère que vous comprendrez donc plus tard. À chaque fois que je dirai les Suisses, si je sors quelque chose qui a l'air horrible, c'est vraiment une extrapolation dans l'univers futuriste et assez pessimiste de Millevaux, quoi. Donc ils ont conçu ce sérum de mémoire cellulaire. Donc en fait, c'est un sérum qu'il faut s'injecter. Et en fait, ça réactive une partie des cellules qui s'appelle les mitochondries. Donc les mitochondries, c'est un petit morceau en fait qui est à l'intérieur de la cellule humaine. Et en fait, il se trouve que dans les mitochondries, dans l'ADN des mitochondries, est stockée une copie de notre mémoire, qui ordinairement en fait n'est pas accessible. Mais ce sérum permet de la réactiver. Donc en fait, les Suisses continuent à oublier. Enfin, c'est-à-dire que leur cerveau ne conserve pas les souvenirs, mais grâce au sérum, ils ont accès aux copies de leurs souvenirs qui sont dans leurs cellules. Alors le problème, c'est que ce sérum, en fait, il faut se l'injecter tous les jours, quoi. C'est-à-dire que si une journée vous injectez pas le sérum, bah, mine de rien, vous allez quand même perdre une journée de souvenirs, quoi. Donc c'est quelque chose qui est très important. Hein. Considérez que pour vos personnages, c'est vraiment précieux, quoi. Parce que voilà, si vous n'avez pas votre dose quotidienne de sérum, vous allez peut-être perdre des souvenirs importants, la première fois que votre enfant a marché, le premier baiser que vous avez eu avec votre première petite amie, ou tout un tas de choses qui peuvent vous être chères, quoi. Et si vous commencez à pas avoir votre dose de sérum, vous allez vaciller. Ça va pour le moment? J'ai pas trop Pas très. d'informations. Donc votre équipe, hein, donc tous vos personnages sont des neurobiologistes. Alors je vous laisserai le soin de vous définir des spécialités. Peut-être qu'il y en a un qui sera plus psychiatre, un autre qui sera plus dans le fonctionnement du cerveau, ou encore un autre qui sera plus dans les phénomènes paranormaux, ou éventuellement il peut y en avoir un qui soit plus un garde du corps, qui soit même pas scientifique. Hein. Donc voilà, sentez-vous libre un petit peu de reprendre le concept à votre sauce. Sachant que votre équipe est chapeautée en fait par un supérieur qui est un figurant qui s'appelle le docteur Chestel. Donc c'est un Suisse roman. Et en fait le docteur Chestel a étudié l'égrégore. Alors il ne sait pas exactement ce que c'est l'égrégore. C'est-à-dire que je vous ai dit au début de la partie que l'égrégore c'était la somme de toutes les hantises humaines. Pour pour vous donner un exemple, imaginons une maison où il y a eu des crimes affreux dans le passé. En fait, ces crimes vont imprégner l'égrégore. Et en fait, quand on va aller aujourd'hui dans la maison va être hantée. Et donc, peut-être qu'il y aura même le fantôme du tueur qui va revenir, ou peut-être même que quelqu'un va se retrouver possédé en fait par un ancien tueur. Donc c'est comme ça que fonctionne l'égrégore. C'est un peu le ciment de tout ce qui est surnaturel dans Millevaux. Généralement, les Orlas, en fait, ils sont façonnés par l'égrégore. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que dans une forêt, on dise qu'au centre, il y a suffisamment de gens qui pensent qu'au centre de la forêt, il y a un ogre. Eh ben, il finira par y avoir un ogre au centre de la forêt. Alors peut-être qu'il apparaîtra comme ça de rien, ou peut-être que ce sera un habitant de la forêt qui va petit à petit se transformer en ogre. Donc le docteur Chastel étudie l'égrégore. Alors il est loin d'avoir compris comment ça fonctionnait. Pour le moment, tout ce qu'il sait, c'est que c'est une onde. Et comment il le sait? Parce qu'il a réussi en fait à la mesurer. Et donc tous vos personnages ont un petit oscilloscope qui permet de mesurer la quantité d'égrégore qui est présente autour de vous. Et donc il a déjà pu voir qu'en fait c'était sécrété par les humains. Donc il pense que c'est le cerveau humain en fait qui produit l'égrégore. Et qui a des zones où l'égrégore est plus concentré qu'ailleurs. Notamment, plus il y a d'humains, plus il y a d'égrégore, mais pas forcément ça. Il y a aussi des endroits qui, apparemment, naturellement, regorgent d'égrégore. Et il semblerait que c'est souvent des endroits où il y a beaucoup de légendes. Il s'est rendu compte aussi d'une chose, et ça, c'est pas très bon, c'est que il y a pas beaucoup d'égrégores en Suisse, mais il y en a beaucoup plus en dehors de la Suisse. Il a repéré en fait un endroit qui est derrière les Alpes, en Allemagne. C'est un bunker, en fait, un ancien bunker nazi qui a dû servir en fait jusqu'à l'invasion, enfin l'invasion, l'invasion de l'Allemagne par les troupes anglaises et américaines, quoi, les troupes alliées. Et donc c'est un endroit où en fait des nazis se sont repliés quasiment jusqu'aux dernières minutes de la guerre, quoi. Et donc il a recruté des volontaires parmi son équipe, alors vous en faites partie. Hein. Bah, concrètement, il n'y a que vous hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que le seul figurant qu'il y a au départ, c'est le docteur Chastel. Sinon, tous les autres membres de l'équipe, c'est vous. Et en fait, vous êtes allé dans ce bunker. Dans le plus grand secret en fait, c'est-à-dire que la Suisse a financé l'expédition, mais l'idée c'est qu'il n'y ait aucun habitant de l'Allemagne qui soit au courant de ce qui se passe, quoi. Bon, de toute façon, la forêt, apparemment la forêt est très peu peuplée, hein. Et donc il y a une équipe de mercenaires suisses ont réussi à vous amener, en fait, à bord d'un véhicule militaire. Ils ont réussi à vous amener dans le bunker. Ils vous ont laissé là, et l'idée c'est qu'ils reviennent vous chercher dans quelques semaines seulement. Alors dans ce bunker, le confort est très spartiate. Bon, il y a le matériel que vous avez pu amener. On verra en cours de jeu ce que ça peut être. N'hésitez pas à inventer du matériel au fur et à mesure quand vous avez besoin. Vous faites valider par moi, tout simplement. Il y a une grande salle principale. Il y a des dortoirs. Alors c'est un bunker, c'est spartiate, c'est-à-dire que tout le monde dort au même endroit, quoi. Et il y a aussi quelques petites pièces qu'on pourra définir au fur et à mesure ce que c'est. Et surtout, il y a une pièce bien particulière dans le bunker au milieu, en fait, qui a été installée par le docteur Chastel et vous-même quand vous êtes arrivés. C'est une chambre du vide. Donc c'est une chambre. Quand on est à l'intérieur, on est entièrement isolé de tout bruit et de toute lumière. Et en fait, Chastel a fait installer ça parce qu'il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte que quand on était dans une chambre du vide, on produisait beaucoup plus d'égrégores que d'habitude. Et donc, vous êtes installé la première journée, chacun a mis ses affaires dans ses casiers et a commencé à, bon, un petit peu camper ses affaires. Personne n'a osé sortir du bunker parce qu'il n'y a plus d'équipe de militaires pour vous protéger. Dehors, c'est la forêt. On vous a dit que c'était très dangereux et qu'il était extrêmement déconseillé en fait de sortir du bunker, et de même que si quelqu'un essayait de rentrer, il fallait à tout prix l'empêcher d'entrer. De toute façon, les militaires, vous êtes en quand ils arriveront, ils vous appelleront par un canal privé, donc vous saurez que c'est eux, il n'y a pas de confusion possible, quoi. Et donc, au cours de la première nuit, en fait, quand vous réveillez, vous trouvez pas le docteur Chestel, et en cherchant, vous finissez par le trouver quand même rapidement. Il s'est isolé dans la chambre du vide, et il s'est mis des électrodes, en fait, et il a dû commencer à faire des expériences sur lui-même, sauf il a sombré dans le coma. Et donc, vous l'avez sorti de la chambre du vide, vous l'avez installé sur une table d'opération. Vous avez mis des électrodes et en fait il y en a deux d'entre vous qui se sont volontairement endormis, vous avez tout un matériel pour ça, et qui sont en fait dans l'inconscient du docteur Chestel pour essayer en fait de le sortir du coma, de savoir ce qui s'est passé, de le sortir du coma. Et il y en a un troisième qui lui reste éveillé, et en fait il surveille les constantes vitales de chacun, il surveille les oscilloscopes avec production d'égrégores. Et il a des moniteurs vidéo en fait qui permet de voir ce que voient les autres dans le rêve, et il peut dialoguer en fait avec les rêveurs par le micro. Donc voilà, c'est le contexte, hein. C'est comme ça que démarre la partie. Est-ce que vous avez des questions? Non, toujours pas, personnellement. Bien, bien, bien. Moi, j'ai une question. Oui. Enfin, pour les personnages qui seront dans le monde des rêves, est-ce que c'est un environnement sur lequel on a prise, sur lequel on a une influence, ou c'est vraiment un environnement indépendant de nous? Alors en fait, c'est comme dans le film Inception. Au départ, si tu veux, tu maîtrises rien de cet environnement. C'est-à-dire que tu peux dialoguer avec les personnes que tu peux y rencontrer, tu peux toucher des objets, mais tu peux, enfin, en fait, tu peux rien faire d'extraordinaire. Et si tu te concentres bien ou avec l'expérience, tu peux carrément transformer en fait l'environnement, quoi. Par exemple, faire disparaître un mur ou tuer une personne d'un simple mot, quoi. Mais au départ, tu te promènes dans le rêve comme dans une réalité virtuelle sur laquelle tu n'as pas de commande. Ben, un petit peu comme si c'était le. D'ailleurs, c'est quand c'est comme ça que c'est le plus troublant, parce que c'est un vrai rêve éveillé, quoi. Tu te promènes dans le rêve, si tu vois un objet, tu peux le prendre, le palper, tu peux parler aux personnes. Donc c'est. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de vos collègues qui ont eu des problèmes psychologiques suite à des voyages dans les rêves, quoi. Donc vous connaissez les risques, mais vous avez déjà fait plusieurs voyages oniriques. Et puis là, il faut sauver le docteur, quoi. Alors, est-ce qu'il y aurait un volant? Alors, sachant que vous pourrez permuter, hein, après, hein. Et au départ, il faut quelqu'un qui reste éveillé. Puis de toute façon, en cours de jeu, vous aurez tout à fait le droit de dire, bon, finalement, on se réveille tous, ou alors on s'endort tous. Mais le jeu commence avec une personne éveillée et deux endormies. Alors, si c'est possible, je préférerais pour le moment rester éveillée, sachant donc que je connais pas du tout l'univers, le jeu, etc. Ouais. Pour plus ou moins me servir, pas d'exemple, mais que je puisse un peu plus m'imprégner encore plus dans le jeu de rôle. Ouais, tout à Parce que fait. du coup, c'est vrai que t'es un très bon narrateur, mais je vois pas vraiment comment ça fonctionne. Donc, si cela est possible, si ça ne dérange pas les autres joueurs, je préférerais rester éveillé, comme un espèce de gardien, donc sur les expériences qu'ils vont tester. Très bien. Ça me va. Moi également. Bien. Alors, peut-être avant de démarrer dans le rêve, je pense que le mieux c'est que chacun décrive son personnage. Alors, soyez sommaire, hein. Vous pourrez toujours rajouter des détails plus tard, mais au moins savoir si votre personnage est un homme, une femme, quelle est un peu sa profession, puis peut-être me donner un trait de caractère ou ce qu'il peut penser des autres, sachant que c'est un jeu qui est fait pour faire du drame. Donc ça peut être intéressant que certains de vos personnages, par exemple, se détestent ou au contraire soient amoureux ou soient amoureux en secret. Mais c'est pas une obligation. Déjà parce que c'est vrai qu'on se connaît pas beaucoup, on se connaît pas. Donc je peux comprendre que vous ayez. En plus on est en virtuel, donc c'est moins facile. Donc je peux comprendre que vous ayez des réticences à jouer des personnages qui soient amoureux. Donc vous pouvez jouer des personnages tout à fait neutres, des scientifiques de base. Sachant que aussi le drame peut survenir plus tard dans la partie, donc vos personnages peuvent être neutres au départ, et puis finalement commencer à acquérir des sentiments au fur et à mesure, quoi. Qu'il y ait par exemple des personnages qui tombent amoureux l'un de l'autre ou qui commencent à se détester, ça peut très bien émerger en cours de jeu, quoi. Donc ça à chacun de toute façon, sachant que par exemple, si on a un qui veut proposer je dis un exemple. Si Laurie dit mon personnage ne supporte pas le personnage de Philippe, je pense que c'est intéressant d'en discuter avec Philippe pour savoir pourquoi et tout, ne pas complètement l'imposer à Philippe, quoi. Donc développer un petit peu ça. Sauf si vraiment on décide que Laurie déteste le personnage de Philippe, mais qu'il n'y a vraiment aucun prétexte, c'est juste viscéral. Un sale con. Voilà, c'était le petit point sur les relations, parce que le relationnel est vachement important dans ce jeu. Qui est-ce qui voudrait commencer par présenter un petit peu son personnage? Moi, j'ai une idée, donc si on me permet de commencer, si vous êtes tous galants, je veux bien commencer. Ok. Donc toi, t'es penché en fait sur les trois rêveurs en train de surveiller leur constante rythme cardiaque, taux d'égrégore, oxygénation du cerveau et tout. Et tu vois aussi les moniteurs vidéo. Alors pour le moment, ils sont très brouillés, donc tu sais pas encore ce de quoi ils sont en train de rêver. Je t'écoute. Alors c'est tout bête, il y a un personnage qui s'est plus ou moins imposé à moi. Je pensais tout simplement au Dr. Quinn, si vous connaissez un petit peu tout ce qui est comics, Batman, c'est tout simplement la psy qui s'est occupée du Joker à Arkham. Et c'est vrai que très vite elle s'est liée, comment dire, elle s'est d'abord passionnée pour on va dire les tréfonds psychologiques que le Joker peut évoquer au sein de leur séance, et au fur et à mesure elle tombe vraiment amoureuse de lui. Donc je me voyais plutôt bien incarner ce genre de personnage qui du coup est lié d'une profonde, c'est aussi un genre d'admiration, d'amour pour le docteur Chastel, donc pour toutes toutes les choses qu'il a pu découvrir, le fait qu'il se teste des choses sur lui-même, que ce soit vraiment une personne à part entière, un petit peu isolée, un petit peu excentrique. Je vois bien donc un genre de psychiatre vraiment totalement obsédé par cet homme-là. Ouais. Au départ, t'as fait une psychanalyse de Chastel au départ ou ça t'est jamais arrivé? Disons que non, c'est juste que j'ai découvert par hasard ces œuvres, enfin ces œuvres, enfin pour mon personnage c'est vraiment des œuvres à part entière, et que par la suite c'était vraiment une obsession de devoir le suivre partout, d'essayer de comprendre, d'essayer d'analyser, d'amener des solutions logiques, des thèses. Pourquoi pas aussi, comment dire, des apports psychologiques sur ce qu'elle sait, toujours d'essayer d'être plus ou moins son espèce d'encre dans la réalité qui lui permette de toujours avoir un pied réel et l'autre toujours un petit peu dans ses fantasmes, ses rêves, etc. Donc un personnage un petit peu comme ça. Alors, si je peux me permettre de développer ça, ce qui est amusant, c'est que là, du coup, on va explorer l'inconscient de Chastel, donc là, tu vas vraiment avoir l'occasion d'en savoir plus pour lui, quoi. Donc, je pense que c'est un moment assez palpitant, j'imagine, pour ton personnage, quoi. En effet. Et sinon, je me permettrais de dire que si t'es fasciné en fait par Chastel, on peut considérer que jusqu'à présent, on s'en est peut-être pas rendu compte. Hein. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment une Voilà. personne qui est complètement, qui s'est donnée dans son métier, qui, enfin, je suppose, enfin, que vu que t'as pas vraiment précisé au niveau du personnage, bon, je l'imagine pas vraiment marié ou avec des enfants, quoi que ce soit, enfin, du moins des D'accord. accroches familiales, parce que c'est vraiment une D'accord. personne qui a l'air de se donner à fond dans son travail. Ouais, non, Donc, célibataire, ouais. Tout à voilà. fait. Donc ce serait un espèce d'amour un petit peu à sens unique, pas du tout réciproque, même, ça me dérange pas. C'est juste une profonde admiration viscérale, pardon, une obsession, un amour inconsidéré. Très bien. Alors là, vu qu'en Vraiment un fait, perso passionné. t'as déjà amené des choses intéressantes, et je pense qu'avant de passer aux autres, on va faire ce qu'on appelle la création de personnage, c'est-à-dire quand on créer un personnage à Inforenza, c'est écrire la première phase du perso. Pas de souci. Donc, il faut que tu jettes un D12, s'il te plaît. Alors, juste le temps que je puisse le tirer. Et j'ai fait 11 sur un D12. Alors, 11, en fait, c'est le thème des pulsions. Bon, là, c'est ouais. Bon. Alors, dans l'aide de jeu que je t'ai donnée, là, tu as une colonne qui s'appelle Nanoforenza, puis une colonne qui s'appelle Tableau des thèmes. Alors, tu vois, oui, oui, pulsion, c'est le thème numéro 11. Ouais. Et en fait, tu as 12 petits exemples. Ça, c'est pour te guider, en fait, sur le thème, quoi. C'est des thèmes très, très vastes. Alors, je t'explique. Qu'est-ce que tu fais de ce thème, en fait? La première phrase, elle est assez compliquée à écrire, hein, je le cache pas. Ouais. Mais c'est parce qu'elle est importante pour la suite. Dans cette phrase, en fait, il faut qu'il y ait le verbe vouloir. Par exemple, je veux réveiller le docteur Chastel. C'est pas forcément toi le sujet du verbe vouloir. Par exemple, ça peut être le docteur Chastel ne veut pas de moi. Ça, c'est valable aussi. Ok. De même que ça peut être autant de conjugaisons que tu veux. Hein. Bon, Cette phrase, est-ce que tu veux qu'on emploie donc des thèmes, comment dire, des mots qui sont donc dans ces fameux thèmes? Alors, il faut que ce soit dans le thème de la pulsion. Alors, les mots sont pas importants, mais effectivement, il faut que ce soit lié aux pulsions. D'accord. Par exemple, je vais donner un exemple. Ici, ça pourrait être « Je veux coûte que coûte réveiller le docteur Chastel hein, » pour dire que... Ou alors « Je veux gagner son amour », ça c'est un autre quelque chose qui est possible. On va déjà marquer quelque chose d'assez fort, quoi. Après, tu vas dans les pulsions, il y a plein d'autres trucs. Hein. Grosso modo, c'est des sentiments exacerbés pour faire plus simple. D'accord, ok. Tu veux que je le fasse maintenant, non ? Ouais, s'il te plaît, parce qu'en fait, les autres vont en avoir besoin. Pas de souci. Alors, donc, le verbe vouloir et puis le thème de la pulsion ou enfin, tout ce qui est sentiment exacerbé, quoi. Ok, d'accord. Alors, je veux connaître le docteur Chastel jusqu'au moindre des tréfonds de son âme. Je le note, c'est ça? Ouais, très bien. Je le note aussi. Donc, jusque dans les tréfonds de son âme, plutôt, ouais. Alors, juste une précision, hein, comme ça, c'est pas un jeu littéraire, dans le sens où on n'est pas obligé d'écrire des phrases super belles ou super longues. C'est pas du tout un réflexe, je suis désolée. Ouais. Ah oui, non, c'est autorisé, mais c'est pas obligé, quoi. Donc, parce qu'il y a des fois, en fait, pour des raisons de fluidité, si les belles phrases te viennent toutes seules, ce qui a l'air d'être le cas, c'est très bien. Mais sinon, en fait, on peut écrire des phrases bateaux. Tu verras qu'après, c'est juste des outils pratiques. Pas de souci. Voilà. C'est aussi pour pas se sentir. Ah oui, j'ai aussi besoin de savoir comment s'appelle ton personnage. Si t'as pas d'idée, tu pourras trouver. Lucille, tout simplement. D'accord. Ok. Je note aussi. Oui, ça peut être utile. Très bien. Alors, si tu veux bien, Scarlett, on va passer aux autres. Pas de souci. Alors, vous deux, en fait, donc vous êtes en plein sommeil paradoxal et vous commencez à ouvrir les yeux et vous êtes dans la même pièce, sauf que Lucille et Chastel ne sont pas là. Et en fait, c'est la salle principale du bunker. Et il y a plein de petites moisissures, des petits champignons en fait, qui ont commencé à pousser sur le sol et au plafond. Et on entend des petits bruits d'humidité. Les portes qui mènent aux autres pièces sont fermées. Vous savez pas ce qu'il y a derrière. Vous comprenez, aussitôt que vous êtes plus, visiblement, vous êtes plus dans la réalité, vous êtes dans la forêt du docteur Chastel. Alors, entre Laurie et Philippe, qui veut se lancer? Je veux bien, sans problème. Ah, donc Philippe. Voilà. Une description de personnage? Oui. Mon personnage, je vais commencer par le nom, s'appelle Dieter. c'est un neurobiologiste et son domaine de recherche, c'est le psychosomatisme. Il est assez fasciné par ce qui se passe à l'extérieur de la Suisse en termes de corruption et des effets de l'égrégore. Il a l'impression que c'est lié. Et ça... Ouais, d'ailleurs, si je peux me permettre, bon, bah, ça, ton personnage, je ne sais pas forcément, mais en tant que meneur, je peux le dire aux joueurs, l'égrégore, si on veut, c'est vraiment un phénomène de psychosomatisme, puisque par exemple, quelqu'un qui croit être un ogre va se transformer en ogre à cause de l'égrégore, quoi. Donc physiquement, il va se mettre à changer, ses crocs vont pousser, il va avoir une énorme bedaine, il va faire 50 cm de plus. J'aurais une petite question, du coup, liée à cela, si je peux me permettre. Donc du coup, s'il advienne, par exemple, que l'égrégore ne peut pas être combattu par des choses, comment dire, par des choses enfantines, des contes enfantins, par exemple, je sais pas si des enfants se mettent tous à croire, je sais pas moi, à des fées ou à des trucs plus basiques, je sais pas moi, le Père Noël, des trucs comme ça. Est-ce que c'est pas, vu que c'est plutôt des inspirations enfantines qui sont plus ou moins empreintes de pureté, est-ce que ça ne peut pas combattre du coup ces monstres dont tu nous parles ? Eh ben, on ne sait pas trop, en fait. Peut-être. Il n'y a jamais eu de test, on va dire, de réunir des enfants, de les faire dormir dans une même pièce, par exemple, pour que, au lieu que la maison devienne hantée, on va dire que les rêves de ces enfants ou les aspirations puissent chasser plus ou moins les mauvaises choses, non? Malheureusement, les recherches de Chastel sont trop récentes pour que ce genre de test ait déjà eu lieu. Alors, à chaque fois que tu fais des hypothèses comme ça de joueuse, oui. Tu peux aussi dire que ton personnage fait les mêmes hypothèses. C'est à toi de voir à quel point tu veux que ton personnage il ait un temps d'avance. Donc si à un moment ton personnage veut avoir cette idée, il n'y a pas de problème, quoi. Ok, d'accord. Alors donc, Dieter, tu es spécialiste du psychosomatisme. Oui. J'ai une idée d'apparence physique. Ce serait quelqu'un d'un peu plus petit que la moyenne, très sec, blond. Pas particulièrement beau, il a une cicatrice sur le nez qui date d'une expérience avec un patient qui a mal tourné. Il y a des gens chez qui une cicatrice ça donne du charme, mais là c'est manifestement pas le cas. Ouais. Au niveau relationnel, je suis un peu trop dans le vide pour pouvoir inventer quelque chose, donc je sais pas, je tire déjà un thème ou... Ouais, bah effectivement, si tu sèches, le mieux c'est effectivement de tirer un thème. Ou éventuellement, on peut laisser Laurie décrire son personnage, et puis ça se trouve, il y a quelque chose qui deviendra après, quoi. Moi, c'est comme on veut. Ouais. Alors, sachant que je fais une petite précision hein, par rapport pour les auditeurs. Là, vous voyez, c'est assez relâché. C'est parce que j'utilise pour ce soir une règle optionnelle qui s'appelle le jeu sans instance. C'est-à-dire que les règles de base, ça se passe avec des instances qui sont des tours de table qui sont très très cadrées. Et en fait, le mode carte blanche, en fait, c'est quand le meneur de jeu, ce qu'on appelle le confident, Influenza, contrôle à la fois le décor et les figurants. Les joueurs ne contrôlant que leur personnage. En fait, dans ce mode-là, on peut jouer sans instance. Du coup, c'est quelque chose de très proche hein, du jeu de rôle tel qu'on le connaît. Hein. Mais je précise pour les auditeurs. Donc, on joue sans instance, sans tour de table. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un veut prendre la parole, il suffit qu'il le demande. Les personnages peuvent intervenir dès qu'ils le sentent. Et puis, pour tout ce qui est création de phrases, c'est pareil, c'est très relâché. En fait, c'est en tant que confident, c'est moi qui dis aux joueurs quand ils peuvent écrire des phrases. Généralement, c'est pour récompenser en fait ce que vient d'apporter en fait un personnage. Par exemple, quand Scarlett explique que Lucille est amoureuse du docteur Chastel, bon, j'estimais qu'il fallait récompenser ça par une phrase, quoi. Donc dès qu'il y a un truc important apporté par le joueur, on crée des phrases. Ou imaginons que vous trouviez un objet important, je dis n'importe quoi, vous trouvez une bombe neurobiologiste. Qui permet de créer des cauchemars. Ah bah ça, on va créer une phrase pour ça, quoi. Du coup, il me semble qu'on passait la parole à Laurie pour que Philippe, tu puisses réfléchir avant d'écrire ta première phrase. Ok. C'est bien ça. Tout à fait. Ok, Laurie, nous t'écoutons. Ok, ça marche. Je travaille pour le docteur Chastel depuis quelques années. J'ai été contacté par un labo concurrent qui veut en savoir plus sur les recherches du docteur Chestel pour les car il semble en avance et être le seul à travailler sur sur les rêves. Et ils veulent s'approprier ses connaissances. D'accord. Donc je suis je fais de l'espionnage, on va dire, pour faire court. Ok. Donc les autres personnages le savent pas, hein. Les joueurs le savent, mais pas les personnages, quoi, pour le moment. C'est ça. Ok. Alors, sachant que en fait, l'égrégore fait que les personnages sont quand même assez conscients de ce qui arrive aux autres personnages. Du moment qu'on commence à jouer, en fait. C'est-à-dire que, quelque part, le temps de la séance de jeu, c'est un moment de la vie des personnages qui est vraiment chargé en égrégore. Et du coup, vos personnages sont hypersensibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, Dieter et Lucille pouvaient décréter que vous avez le sentiment que le personnage de Laurie est une taupe, quoi. Vous le savez intimement, quoi. Bon, en réalité, vous l'apprenez par l'égrégore qui vous transforme quelque peu en télépathe. Donc voilà. Donc grosso modo, ça veut dire que vous pouvez tout ce qui est dit par le joueur, vous pouvez l'utiliser en tant que pour votre personnage, grâce à l'égrégore. Dans ce cas-là, j'aurais peut-être une question à poser à Laurie. C'est vu que ça fait quand même, tu dis que ça fait des années que tu travailles pour le docteur Chestel, là, c'est vraiment une question hors roleplay, hein, que je pose en tant que joueuse, pas personnage. Comment dire, le laboratoire concurrent t'a proposé pour que tu sois prêt à trahir plus ou moins les connaissances et le secret qui entoure le docteur Chestel? Excusez-moi, mais j'ai été déconnecté, donc à Ah bon. partir du moment où Laurie a décrit que son personnage avait été contacté par un laboratoire concurrent, je n'ai plus rien entendu. Mince. Alors, en fait, ce que j'avais dit, c'est que grâce à l'égrégore, vos personnages peuvent être au courant en fait de choses qui devraient rester secrètes. Hein. C'est-à-dire que ça se trouve, grâce à l'égrégore, vous allez finir par comprendre que le personnage de Laurie est un espion, quoi. Donc, pour vos personnages, vous pouvez utiliser tout ce que le joueur sait, quoi. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est important. Si vous préférez que vos personnages ignorent jusqu'à la fin que le personnage de Laurie est un espion, il n'y a pas de problème. Ok. Et pour répondre donc Ah oui, il y avait à Scarlett qui avait Scarlett, posé une question. oui, Ouais. s'il vous plaît. C'était pourquoi donc Laurie, assistant de longue date du docteur Chestel, passerait à l'ennemi? Qu'est-ce qu'on a bien pu te promettre? J'ai perdu un souvenir, mais ce souvenir est présent dans merde, comment ça s'appelle? On m'a fait une prise de sang par cet autre labo, Ouais, et d'accord. donc dans ce flacon-là, il y a la copie de mon souvenir. D'accord, et tout en espèce de chantage en fait, du coup, ou c'est Non, on m'a proposé, plutôt que de l'argent, on m'a dit, voilà, on peut te réinjecter ton sang et ton souvenir, mais en échange, tu nous offres. Tu nous tiens au courant de ces découvertes. Donc du coup, c'était quand même un souvenir pour toi en tant que joueur qui est quand même assez important pour que tu arrives au point de trahir donc ton secret de professionnel pour récupérer ceci. Ça marche. Voilà. C'était juste ça. À la limite, Laurie, t'es pas, c'est comme tu veux, mais t'es pas obligé de nous dire tout de suite c'est quoi ce souvenir. Ça peut être intéressant de Mais je ne l'ai pas savoir ce que c'est. souvenir, justement. Ah oui, ah d'accord. Tu sais, alors Tu sais que ça tu l'as me. perdu, mais tu sais Ouais. plus quoi en fait, c'est ça? Voilà. Ok. Alors je vais rajouter une chose en fait que vous devez savoir au sujet de l'univers. Alors je l'ai écrit nulle part encore dans les bouquins, ça sortira dans un prochain bouquin. Mais en fait, tous les souvenirs qu'on perd à cause du syndrome de l'oubli, ils créent une souffrance. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens savent qu'ils oublient des choses. Et en fait, ils ont cette souffrance-là d'avoir oublié. Par exemple, si tu perds le souvenir du visage de ta mère, bon, effectivement, comme tu reconnais plus son visage, on pourrait se dire, bah, c'est pas grave, ça me fait rien finalement, je m'en rappelle plus. Mais en fait, tu souffres parce que tu sais que t'as perdu quelque chose d'important, même si tu sais plus ce que c'est. Mais dans ces cas-là, ça a une, comment dire, ça a un impact sur la réalité, dans le sens que s'il oublie le visage de sa mère et que le personnage croise justement ce figurant au cours du jeu, est-ce qu'il du coup il va arriver à la reconnaître? Ou du coup il n'arrivera plus du tout à différencier entre une personne lambda et la personne qui l'a mis au monde? La plupart des gens, non, ils reconnaîtraient pas leur mère en fait s'ils ont oublié son visage. Après, vos personnages, ils sont à part, ils sont eux-mêmes gorgés d'égrégores. Ça se trouve, revoir le visage de sa mère, ce sera un phénomène tellement fort que le souvenir reviendra. On ne sait pas quoi. D'accord, ok. Ça peut être un déclencheur, quoi, au Ouais, final. considérez que c'est possible, ouais. D'accord. Et je me nomme Daniel. Daniel. Du coup, c'est quoi ta spécialité si t'en as une? Parce que donc Lucie, il est psychiatre. Dieter, il est spécialisé dans le psychosomatisme. T'es pas obligé d'en avoir une, hein. C'est Ouais, une je suppose. question comme ça. Je cherchais un vaccin contre contre le virus de l'oubli. Contre... Ah oui, d'accord, très bien. Alors, comment ça s'appelle? Un Ça roule. vi... Virologue. Ouais. Ouais, tout à fait. En plus, bon. Normalement, le syndrome de l'oubli, c'est une affection génétique, mais ça peut être, ça pourrait être guéri, effectivement, peut-être par des cocktails de rétrovirus, ou de, donc, effectivement, un virologue pourrait tout à fait trouver un vaccin, quoi. J'ai créé ma phrase. Ouais, je t'en prie. Donc toi, je te rappelle, tu as le verbe, tu donnes dans ta phrase, il doit y avoir le verbe vouloir. Plus un thème que tu vas tirer au dé 12. Et il y a également une deuxième contrainte, c'est que cette phrase doit être liée aussi à un élément de la phrase qu'a créée Scarlett. Ça marche. C'est pour que, en fait, c'est pour que vos personnages soient liés entre vous. Alors Scarlett, je vois que ton micro est coupé. Si par hasard c'est un vrai problème et que c'est... Non, du tout, Ok. c'est pas du tout un problème, c'est pour vous éviter justement de que vous participiez aux bruits qui sont alentour. Très bien. Désolée. Non, mais Voilà. c'est bon. Voilà. Ok, je m'inquiéterai plus. Alors, Laurie, disons que je vais te laisser créer ta phrase. Ok. 7. Ça tombe très bien. 7, c'est le clan. Voilà. Ça va être une longue phrase, ça, s'il faut vouloir et qu'il faut quelqu'un d'autre. C'est un lien avec la phrase de Scarlett. Donc la phrase de Scarlett, c'est « Je veux connaître le docteur Chastel jusqu'au moindre tréfond de son âme. » Ça peut être lié au docteur Chastel ou au tréfond de l'âme. Je Ou veux. éventuellement lié à Lucille, quoi. Je lis à Lucille. Je vais utiliser. Je peux me lier au docteur Chastel ou c'est pas un personnage? Ouais, si tu peux te lier au docteur Chastel, parce qu'il a été cité dans la phrase. D'accord, bon, bah alors je reformule. Le labo Setcom veut que j'espionne le docteur Chastel. Impeccable. Alors du coup, je vais repartir sur Philippe, hein, donc Dieter. Dieter, on va, je pense que là, on a assez pour créer ta première phrase aussi. Oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, j'avais pas d'idée. Maintenant, je dois faire le tri entre celles que j'ai. Non, t'en as beaucoup. Voilà, exactement. Je pense que j'aime lier également au docteur Chastel. Je pense que Dieter, sans se l'avouer, a des sentiments pour lui et cherche à tout prix son approbation. Il aimerait bien que ses recherches soient reconnues par le docteur Chastel et D'accord, ouais, obtienne très son approbation ainsi. Ok, donc tu tires un thème au D12. Oui, alors je fais 6. Donc c'est La société. société. Est-ce que je peux te faire une suggestion? Je t'écoute. Donc, si on a le thème de la société, donc tu parlais que tu cherchais la reconnaissance du docteur Chastel, peut-être que c'est une reconnaissance publique, hein, que tu cherches. Oui, certainement, oui. C'est-à-dire que ça suffit pas une bonne poignée de main du docteur Chastel ou boire un whisky avec lui, ça te suffirait pas. Il faudrait peut-être que il écrive un article sur tes recherches ou qu'il parle de toi à une conférence ou Tout à fait, qui tout te à fait. félicite lors d'un gala de charité, quoi. Je ne sais pas Oui, qui m'apporte vraiment son approbation de manière publique, qui me donne son quoi. cachet, que les gens savent comment ils me considèrent. Bon. Ou alors ça peut être autre chose, hein, parce que ça peut être je veux qu'on m'apprécie plus que le docteur Chastel, tu vois, tout est possible, hein, Ça sera peut-être une deuxième étape. ouais, tout à fait, ouais. Oui, non, Ok. je veux être félicité publiquement par le docteur Chestel. Très bien. Ben encore faudra-t-il le sortir du coma. Là, c'est bien pour ça qu'on va le faire. Ok. Donc pour le moment, vos constantes vitales sont bonnes. Celles du docteur Chastel sont quand même assez alarmantes, hein, puisque son électroencéphalogramme, techniquement, il est dans le coma. Par contre, on voit quand même qu'il y a une activité de type sommeil paradoxal, c'est-à-dire qu'il rêve, quoi. Et vous êtes dans son rêve. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que apparemment, le cerveau du docteur Chastel produit pas mal d'égrégores, quoi. Les oscilloscopes s'affolent autour de sa tête. Oui, je t'écoute, Scarlett. Désolée si à chaque fois je te coupe. Est-ce Ah non, mais il faut qu'il y pas a hésiter. une différence pour toi entre le rêve et le cauchemar? Disons que si on part du fait que pour moi un rêve c'est quelque chose où on revit potentiellement des choses qu'on a vécues au cours de la journée, etc. Et le cauchemar c'est vraiment où on est poursuivi ou qu'on vit des choses assez terrifiantes. Est-ce qu'il y a donc une différence entre pour toi et dans le jeu de rôle en l'occurrence entre le rêve et le cauchemar ou si du coup c'est des choses qui sont similaires? C'est similaire, c'est-à-dire que le rêve basculait au cauchemar d'un instant à l'autre ou inversement, quoi. Ok, d'accord. Donc c'est disons que c'est le terme rêve, du coup, ça englobe vraiment tout ce qui est, comme tu disais, sommeil paradoxal. C'est vraiment tout ce qui se passe à côté, au final. Autant Ouais, tout les à fait. peurs que les hantises, les envies, les désirs, les pulsions, etc. C'est vraiment, il n'y a pas de bon ou mauvais, c'est tout mélange, du coup. Ouais, d'autant plus que, en fait, vos personnages n'ont encore pas déterminé exactement s'ils voyageaient dans les rêves ou dans autre chose. C'est-à-dire si c'était pas tout simplement dans l'inconscient. Et parce qu'en fait, souvent les patients, quand ils se réveillent, ne se rappellent quasiment pas du rêve qu'ils ont fait. Et du coup, ils sont pas capables de corroborer le fait que c'était un rêve ou si c'était tout simplement une expression des fantasmes de leur cerveau, quoi. Donc ça D'accord, se trouve, ok. vous n'êtes pas dans le rêve du docteur Chastel, vous êtes encore plus profondément, quoi. Peut-être que vous êtes dans son inconscient. Ça marche, merci pour ta réponse. Mais on est sûr qu'on est chez Stell, on n'est pas dans une projection de notre inconscient à nous. A priori, oui. Mais après, c'est compliqué parce que les senseurs indiquent que vous rêvez aussi. Donc c'est Ça peut vraiment, en fait, c'est un domaine très nouveau, quoi, et toutes les hypothèses sont permises. Mais du coup, par exemple, en l'occurrence, là, les deux patients qui sont donc mes deux collègues, si je puis dire, qui sont non plongés dans le rêve, est-ce que, de manière métaphorique, on considère que le sommeil du docteur Chastel est une espèce de bulle imperméable, donc les rêveurs qui rentrent dans ce rêve sont seulement dans l'inconscient ou le rêve du docteur Chastel, ou si leur propre rêve peut rentrer en communication avec le subconscient, l'inconscient ou le rêve. Je ne sais Eh pas si ben, ma réponse est très claire, j'en suis désolée par avance. l'hypothèse numéro 1, c'est que vous êtes dans le rêve du docteur Chastel en tant qu'invité, quoi. Oui. et qu'il n'y a pas, que c'est pas Chestel qui est dans votre rêve et tout, mais en fait, c'est pareil, il n'y a rien de sûr, quoi. Donc du coup, Et si par yes. exemple, je sais pas, il y a un des rêveurs qui pense à quelque chose de manière très forte, est-ce que ça peut s'incarner, se métamorphoser, se créer tout simplement dans cet univers dans lequel ils sont, C'est pour qu'ils possible parce puissent que vous avez, l'utiliser? en fait, lors d'une expérience, vous l'avez déjà fait, mais vous avez pas trop insisté parce que les constantes cardiaques du rêveur et puis du projeté se sont affolées. Donc vous savez que c'est possible, après ça peut être dangereux, quoi. Ok. Je suis désolée si je suis curieuse, hein. C'est vrai que ça m'intrigue un peu, donc si parfois tu trouves que je pose des questions qui partent un peu trop loin, essaye, dis-le-moi parce que. Non, non, parce qu'en fait, ça génère de l'histoire. Et puis, je vais être très honnête, en fait, j'invente les réponses au fur et à mesure. Ok, ça marche. En Pas de fait, soucis. tu peux vraiment considérer que c'est ton personnage qui se pose les questions et tu peux aussi trouver toi-même mes réponses. Enfin, oui, Bah, tes comme j'ai réponses. dit, toutes les hypothèses des joueurs peuvent être aussi les hypothèses des personnages. D'accord, pas de problème. Et en fait, à la limite, moi, quand je vous réponds, d'ailleurs, surtout sur les rêves, considérez qu'en fait, c'est des questions que vous avez déjà posées à Chestel, c'est des réponses qu'il vous a faites. Ok, d'accord. Ok. Alors, je vais demander qu'est-ce que vous faites. Est-ce que nous, dans la pièce, tu as dit que c'était la même, est-ce qu'on voit tous les appareils de mesure? Oui. Donc on voit notre état et nos Ouais, états et son ouais. état. Et y Est-ce compris, y a des petits. Mais est-ce que nous y sommes, nous? Non, vous êtes pas là en fait. Enfin, si vous êtes là, mais y a pas On a votre seul bout. exemplaire. En fait, vous êtes sur le lit comme si vous veniez de vous réveiller. Et à côté de vous, en fait, il y a une seringue qui contient un liquide en fait qui permet de s'endormir et d'être dans le rêve partagé, quoi. Et lui, tu m'as dit qu'il était plus là, c'est ça? Et non, il est plus là, ouais. Ok. Et ah oui, il y avait ces moisissures un peu partout. Eh bien, je me relève, je vérifie que le transfert s'est fait correctement, que je ressens bien tous mes membres. Je regarde l'état Ouais, de tout à fait, ouais. Même Lucas. très réel, hein. En fait, tu sais que t'es dans le rêve, mais à la limite, on t'aurait endormi à ton insu, tu te rendrais même pas compte que t'es en train de rêver, quoi. Donc du coup, s'il advienne qu'il ait des blessures ou je sais pas moi, qu'il advienne qu'il puisse mourir dans ce rêve, est-ce que ça peut avoir un impact comme dans le film que tu as cité un peu plus haut, donc dans Inception en Inception. l'occurrence, s'il meurt dans le rêve, ça peut aussi les faire mourir dans la vie réelle. Est-ce que c'est le cas là aussi? En fait, c'est jamais arrivé parce qu'on a tous les tests qui ont été faits, c'était sur des personnes sédatées, c'était dans des rêves assez paisibles. Donc il n'y a jamais eu de situation dangereuse. Donc on n'a jamais pu le tester, donc on ne sait pas. D'accord, ok. Question pragmatique, l'éclairage de la Ouais, pièce, il est Philippe. induit. En fait, c'est des globes de verre au-dessus de vos têtes, hein. Ok, donc c'est l'éclairage du bunker. Ouais, un éclairage grésillant. Dieter hausse les épaules et en jetant un regard vers Daniel, prend une porte, la porte qui mènerait vers la pièce du vide. La chambre du vide, d'accord. Alors tu ouvres la chambre du vide, hein, et en fait, c'est une obscurité totale. Alors, c'est pas normal, hein. C'est-à-dire que normalement, quand vous rentrez dans la chambre du vide, c'est vrai que déjà il y a un système d'éclairage parce que l'idée c'est de se positionner au milieu. Et donc en fait, on éteint la lumière de l'extérieur une fois que la personne est positionnée au milieu. Donc là c'est éteint déjà de base. Et puis en plus, d'habitude quand tu passes d'une pièce éclairée à une pièce dans le noir. En fait, la pièce éclairée éclaire un petit peu à l'intérieur de la pièce noire, quoi. Là, en l'occurrence, c'est comme s'il y avait un trou, quoi. Merde. Il y avait d'autres pièces dans ce bunker? Enfin, Ouais, tout à je suis pas un fait. gros fan des bunkers, donc. Bah, déjà, il y a une porte qui mène à l'extérieur. Ça, je m'en doute. Une grosse porte blindée. Il y a aussi des meurtrières qui sont horizontales et Oui. qui sont couvertes en fait d'un grillage et qui permettent de voir ce qu'il y a dehors, quoi. Donc de ce que vous voyez, c'est que dehors il fait nuit, comme dans la réalité, et bah c'est que de la forêt, quoi. Hein. Et les en fait il y a une porte qui mène vers les dortoirs. Dortoir en fait où tout le monde dort. Il y a une porte qui mène vers le couloir avec vos casiers personnels. Ok. Il y a une porte qui mène vers la salle de bain, salle de toilette. Oui, d'accord, il y a tout ça quand même. Ouais, je pense que je vais pas inventer d'autres pièces, c'est bien suffisant. Ça marche. Bon, bah, je visite les autres pièces pour voir si elles aussi elles sont toutes noires ou si. Non, elles sont pas toutes noires, les autres pièces. Par contre, il fait froid, hein, il fait assez froid. Votre souffle forme un panache. Il y a des petites racines en fait qui ont poussé à travers le béton. Qui ont poussé depuis qu'on est arrivé ou qui étaient là quand on s'est réveillé? Elles sont là, seulement dans le rêve. Mais bon, je veux dire, on ne les a pas vus grandir dans le rêve. Sur Non, les. non, non. Bah j'ouvre les différentes portes. Docteur Chestel, vous êtes là? Alors, tu le vois pas en fait. Ok. Alors juste, non, alors ce serait bien quand vous parlez en fait, surtout parce qu'en fait, Laurie et Philippe, j'ai tendance un peu à confondre vos voix. Il Quand a vous un parlez, accent. si, ouais, c'est vrai pourtant, mais redites le nom de votre personnage ou votre prénom au début que vous parliez, quoi. D'accord. Si ça vous embête pas. Du coup, celui qui inspectait les pièces, c'est toi, Laurie, hein, je crois. Ouais, j'appelle surtout le docteur Chestel. Ouais, ça répond pas. En fait, quand tu arrives dans la pièce au casier, tu remarques une chose, c'est que le casier du docteur Chestel sont tous cadenassés, et le casier du docteur Chestel, le cadenas est pété. Ok, il reste des choses dedans? Ouais. En fait, bon, tu savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, hein. En fait, il y a plein de. Le. Visiblement, rien n'a. Il y a peut-être quelque chose qui a été pris, mais il reste des choses, notamment en fait, il y a plein de. C'est des dossiers. Et en fait, il y a un dossier pour chacun d'entre vous. Avec des photos de vous. Et en fait, il a pris que des photos de vous en train de dormir. C'est hyper flippant. Je consulte mon dossier. Ouais, tu consultes ton dossier. Il y a plein de notes en fait sur toi. Tu te rends compte qu'il a fait des enquêtes. C'est-à-dire qu'il a interrogé. Alors, Il a interrogé je toutes les pense que ça va personnes. me prendre un petit peu de temps, donc quand je vois ça, j'appelle Dieter et je lui tends son dossier. Est-ce que je peux Ok. intervenir à travers ce qu'il voit? Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que donc j'utilise donc enfin bon. Du coup Lucille demande s'il est possible à l'un des deux protagonistes, que ce soit Daniel ou Dieter, de pouvoir donc aussi regarder son dossier. Bien sûr, nous te le ramènerons, nous te dirons ce qu'il y a. Enfin, là, j'ai du mal à voir comment. Mais, ouais, du coup, il y a une Bah, question en que je fait, me Laurie, pose en si fait. tu prends le dossier et que tu le fais, le dossier de Lucille et que tu Je le vois à feuillettes, travers ses Lucille va yeux. voir. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc Je vois elle, à c'est une travers les yeux des caméra personnages, je extérieure. crois. Ouais, tout à fait. C'est Ok, du ce coup, que c'est, tu as dit, je suis pas en omniscience, je suis vraiment en personnage interne. ouais, Ok. tout ce que Dieter et Daniel voient, tu le vois. Oui. Par contre, tu n'as pas accès. T'as que de la neige pour la vidéo de Chestel, quoi. Ce qui est pas Ouais, normal, hein. ok. Et ça, on l'a vu avant de descendre, Ouais, je tout à fait. suppose. Dieter, quand Daniel l'appelle, il est toujours planté devant le gouffre noir de la chambre du vide, et il lui faut un instant pour émerger, arriver. Et son premier réflexe, quand il voit le dossier, c'est Alors, si tu de le permets, Philippe, tenir. En Oui. fait, je vais comment avant que que tu aies le temps de prendre la décision de retourner vers les casiers, il se passe des trucs. En fait, il va se passer des. Je vais faire un petit conflit pour chacun d'entre vous. OK. Je vais commencer par toi, Scarlett, parce que je n'ai pas arrivé grand-chose. En fait, t'entends quelque chose qui court dans les feuilles en dehors du bunker. Oui, quelque Et en chose de fait, quoi, un rat, qui a une personne, enfin une personne, un animal déjà. J'arrive à définir. c'est non, tu sais pas. Disons quelque chose de massif quand même, enfin qui fait peut-être entre 50 et 100 kilos, quoi. Donc du coup, qui du coup, quand il court, fait quand même un impact assez Ouais, important. Donc, tout à fait. ok, d'accord. Mais ça peut être un rat quand même. Ouais, un très gros rat, quoi. J'aime bien les rats, donc ça tombe bien. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier, hein? Ok, et eh bien, à vrai dire, c'est que je suis tellement concentrée à surveiller les constantes donc du docteur Chestel et d'essayer de voir ce que les autres ont. Disons que c'est Daniel hein, qui tient mon dossier normalement, ce que Daniel a pu voir dans mon dossier, que j'y prête une oreille semi-attentive mais sans réellement m'y intéresser. Je sais qu'il y a un bruit dehors, mais je ne prête pas vraiment attention. Je considère que ce qui est devant moi est beaucoup plus intéressant que ce qui se passe dehors. Ok, alors pour ce que tu me dis soit pertinent, on va dire que Daniel a déjà eu le temps de prendre ton dossier et de le feuilleter, il est en train de le faire. Et à ce moment-là, en fait, je dois te dire quelque chose. C'est que on sait pas pourquoi. Mais la porte du bunker n'est pas verrouillée. Pourquoi ça arrive à moi? Donc, d'habitude, je t'aurais demandé, en fait, je t'aurais sans doute claqué. Surtout que je la jouerais de manière un petit peu peureuse, facilement impressionnable. Donc du coup, je considère là que si la Diane que j'entende un grincement particulier de cette porte, je suis absolument terrifiée. Ok. Alors, je vais faire un petit point justement sur les règles. Oui, dis-moi. Dans Inforinza, on jette les dés, donc au début quand on crée le personnage, et ensuite, éventuellement si on rajoute des nouvelles phrases. Et sinon, en fait, on fait ce qu'on appelle des conflits. Les conflits, c'est pour gérer toutes les situations problématiques, que ce soit contre l'environnement ou alors les joueurs les uns contre les autres. Quand c'est les joueurs contre eux, on appelle ça des duels. Là, donc en fait, moi, en tant que confident, je peux t'imposer des conflits, tout simplement parce qu'il y a une saloperie qui s'oppose à toi. Sachant que j'ai pas le droit, enfin, si j'ai le droit, mais c'est pas très conseillé, j'ai pas le droit de te proposer un conflit qui est pas lié à une de tes phrases. Donc, en D'accord. l'occurrence, vu tes phrases, il faudrait que je te propose que des conflits liés au docteur Chestel ou éventuellement à l'exploration du rêve. OK. Du coup, là, je vais te, plutôt que de gérer un conflit, plutôt que de te demander de jeter les dés pour savoir si, en fait, la question c'est savoir si ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dehors va rentrer à l'intérieur. Je vais te demander de choisir, en fait. C'est-à-dire, est-ce que, en fait, tu as quand même le réflexe d'aller fermer la porte, sachant que peut-être que du coup tu n'auras pas le temps t'auras pas le temps de voir grand-chose de ton dossier. Peut-être juste des photos de toi endormi, quoi. Ou est-ce que tu es trop fasciné pour avoir le réflexe de fermer cette porte? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va rentrer parce que toi, tu es fasciné par ton dossier. Qu'est-ce que tu choisis comme option? Sachant que c'est vraiment un trait de caractère de mon personnage que j'ai quand même plutôt appuyé dès la création, je considère donc comme ce que je t'ai dit sur le départ, c'est que j'entends qu'il y a quelque chose donc quelque chose qui est entré ou pas, quelque chose qui trotte, mais je suis tellement, disons, je suis tellement dans l'euphorie de pouvoir découvrir quelque chose peut-être, parce que moi, à travers ce dossier, je vois pas vraiment une recherche, je vois potentiellement un retour de sentiment donc du docteur Chestal à mon égard, même si je vois que les dossiers pour nous trois sont les mêmes, moi, dans ma Ouais, je comprends espèce forcément. d'obsession, je me dis que potentiellement il m'a photographié parce que il était attiré par moi, que c'était le seul moment où, etc. Enfin bref, je monte plein d'hypothèses un petit peu niaises, un petit peu mièvre d'une femme amoureuse et vraiment obsédée par un homme. Ok. Alors je me rends compte finalement que j'aurais même pu te demander de jeter les dés, parce qu'en fait, tu aurais droit à un dé pour ta phrase, parce que en fait, ta fascination pour le docteur Chastel, en l'occurrence, là, c'est un handicap. En fait, quand une phrase est un handicap dans un conflit, elle te donne un dé. Ok. Mais bon, j'ai déjà dit au départ que je ferai pas de conflit, donc on va pas en faire. Pas de problème. Donc, Est-ce que voilà tu ce veux qui se que je note passe. cette phrase? Ou pas? Ah ouais, pas mal, ouais. Bah attends, non, je vais te dire ce qu'il y a dans le dossier, puis après tu pourras faire une phrase. En fait, tu. Ouais, si, quand même, on va faire une phrase pour ça. Je t'explique. Pendant que tu regardes le dossier, en fait, quand tu. Non, tu sais pas ce qui se passe. Tu regardes le dossier, il se passe quelque chose dans ton dos, mais tu sais pas quoi. Donc là, je vais passer à Laurie. Laurie, t'es en train de feuilleter le bouquin, le dossier de Lucie, là. Il a pris des très belles photos d'elle dans son sommeil. Elle a l'air très apaisée. Et puis, il a pris plein de notes sur elle. En fait, il a interrogé tous ses proches. Il y a aussi des échantillons de son sang. Et c'est pas anodin, parce que tu t'es bien placé pour savoir que. Peut-être que, bon, on ne sait pas si ça se trouve scientifiquement, c'est possible, effectivement, à partir d'une prise de sang, de reconstituer le souvenir de quelqu'un, quoi. Est-ce que dans le dossier, c'est visible, que Lucile est fortement attirée par le docteur Chastel? Oui, Est-ce qu'il en en est fait. conscient? Il explique qu'elle est fascinée par lui et tout ça. Alors il ne parle que d'elle dans le dossier. Il parle énormément en fait de l'amour qu'elle ressent pour lui, mais il parle jamais de ses propres sentiments. Donc on ne sait pas du tout si c'est réciproque. Ok, mais du coup, j'apprends que Lucile est. Ouais. Ok, je vois ça. C'est Enfin, alors ça, sachant que c'est en fait, c'est peut-être parce que c'est dans le rêve, mais imagine que ce dossier, parcourir ce dossier, que ce soit pour toi ou pour Lucille, émotionnellement, c'est hyper fort, quoi. C'est vraiment violent, quoi. C'est presque comme si tu tenais la vraie personne dans tes bras et qu'elle pouvait rien te cacher, quoi. ok. Je vois ça comme un moyen d'utiliser Lucile pour découvrir des choses sur le docteur Chastel, en fait. Ok. Alors là, je pense que Lucille et Laurie, vous avez tous dû écrire une phrase qui raconte ce qui vient de se passer, quoi. Est-ce que juste je peux te demander une petite Ouais. question entre Ouais, parenthèses? je t'écoute. Qui m'est venu avec les prises de sang, est-ce que si on injecte du sang d'une autre personne sur une autre personne, tout simplement, est-ce que les souvenirs contenus dans ce sang vont être possédés par la nouvelle personne? En fait. Peut-être physiquement si tu faisais un cocktail avec du sérum de mémoire, quoi. Donc du coup, ça veut dire que Ça n'a jamais été testé, mais en tant que scientifique, vous pouvez penser que c'est possible. ah, c'est hyper dangereux ça du coup quand Bah ouais, mais même. comme tout ce qui n'a pas été testé. Donc du coup, la phrase pour ce qui vient de se passer. Alors, pour écrire votre phrase, il va falloir que vous rejetiez un D12 en fait. On rejette un des 12, ça Ouais. marche. Scarlett et Laurie, vous jetez un D12 tous les deux? 9. Alors, j'ai fait 4. 4, c'est quoi? Alors, On a 4. corruption. des contraintes là, sur la phrase ou pas? À part le thème, non. Alors, sachant que je répète, les contraintes des thèmes sont facultatives. Si ça vous ennuie, vous bazardez le thème. Non, je les respecte. Alors, par exemple, Scarlett, la corruption. Peut-être, Donc, c'est en fait, c'est le, tu sais, c'est toute la contamination biologique. ouais. Ça peut être aussi, tu peux prendre à l'inverse, c'est-à-dire tout ce qui est la pureté, quoi. En fait, c'est la pureté contre la contamination, ou la pureté contre la souillure. Donc Et du coup, aussi, la quand tu. corruption, c'est également tout ce qui a trait au hors-là. Et voilà, c'est les monstres qui hantent la forêt. Et puis, c'est aussi par rapport à la forêt qui devient folle, quoi. Donc du coup, quand on tombe sur un thème, on peut utiliser l'inverse, c'est ça que tu es en train de me Ouais, dire? tout à fait, ouais. Et il faut toujours le verbe vouloir. Non, non, du tout. Le Ah, verbe pardon. vouloir, en fait, c'est seulement la toute première phrase. En Ah fait, la oui, première phrase, on alors. la cimente avec, il y a beaucoup de contraintes, c'est pour donner un départ. Après, on n'a plus cette contrainte-là, quoi. Alors, à la limite, pendant que vous réfléchissez, Laurie, t'avais le thème 9, c'est ça? 9, c'est Neuf, la c'est la science. science et je vais Bon, mettre. ben, nous. J'ai lu le dossier sur Lucille. Ok. Très bien. Hop. C'est Alors, bon. Lucie, ouais, Trop bah, bien, du coup, je c'est trop t'écoute, bien. Scarlett. Tu me dis si ça correspond à ce que tu m'as Ouais, dit. vas-y. En termes donc d'émotion, j'ai marqué que je suis émerveillée par la pureté de ses recherches. Ok, impeccable. Ouais, nickel. Ouais. Alors, en fait, alors que Daniel referme ton dossier, du coup, tu émerges un petit peu ta torpeur, Lucille, et par réflexe, tu regardes un petit peu ce qu'il y a dans la pièce autour de toi, et en fait, tu t'aperçois que la porte du bunker est entrouverte. Alors, si tu veux, tu peux écrire une phrase à ce sujet, hein. C'est pas obligatoire, mais si tu veux, tu peux en faire une. Pendant ce temps-là, moi, je vais passer à Philippe, que j'ai un peu abandonné, là. Philippe, donc toi, tu te tenais en fait devant la porte, tu t'apprêtais à aller vers les casiers Tout à parce que fait. Daniel en fait t'a appelé. Et ce qui se passe, c'est que venant de l'obscurité de la chambre, tu entends comment tu entends une voix qui t'appelle, c'est la voix de Chestel qui fait venez mon ami. Et en fait, c'est un conflit. Parce que cette voix t'attire, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que je te propose, sauf si vraiment toi t'es d'accord pour rentrer dans le noir sans poser de questions, mais si t'es pas d'accord, la voix essaie de t'attirer, quoi. Ben ça correspond à la seule phrase que j'ai, hein. Je vais plutôt avoir tendance de faire ce qu'il me dit. D'un autre côté, je pense qu'il y a quand même un instinct de survie qui doit Ouais. être là face à un truc aussi Ouais. bizarre. Alors est-ce que tu t'opposes à Donc, cette infraction alors? instinctivement, oui. Ok, très bien. Donc justement, on va pouvoir jouer un conflit. C'est ce qu'on appelle un conflit simple. Alors juste première question, est-ce qu'il y a Scarlett ou Laurie, est-ce que vous vous opposez? Alors lui en fait, son objectif c'est de ne pas rentrer dans la chambre. Est-ce que vous vous opposez à ça? Bah, le problème, c'est que moi, je viens de me rendre compte que je suis sortie de ma torpeur et qu'il y a quelque chose qui est rentré. Si on part sur le fait que je viens de rédiger ma phrase, je ne serai pas présente devant les moniteurs à ce moment-là. Donc, je suis désolée, je pourrais Ok. pas faire d'interaction possible. Ouais, donc très bien. Donc toi, tu t'opposes pas et t'aides pas, quoi. Non, c'est pas. Alors, c'est pas volontaire, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, C'est mais dû voilà. vraiment à un. De base, je l'aurais volontiers fait, hein, mais là, en l'occurrence, c'est dû vraiment à un événement externe, donc je ne sais même pas ce qui se passe, en fait, à vrai dire. Ça roule. Alors en théorie, faut savoir que dans les conflits, on peut s'opposer ou aider, même si le personnage n'est pas conscient, en fait, de ce qui se passe. Dans ce cas-là, si je peux Toujours à aider, je cause de l'aiderai. l'égrégore. Ah, donc du coup, tu vas aider de façon inconsciente. S'il advienne que, comme tu dis, même si j'ai un événement externe qui m'empêche physiquement de pouvoir l'aider, je suis partante pour l'aider, oui. Ouais, bah c'est tout à fait possible. Je les considère comme mon équipe, donc de base, c'est des Grâce à... extensions du docteur Chastel, donc je fais que les aider. Ça roule. Pareil, Laurie, tu t'opposes pas. Non, je ne m'oppose pas, je l'aide. Ok, très bien. Donc en fait, là, on fait ce qu'on appelle un conflit simple. De base, Philippe, tu as un dé en fait dans ce conflit qui est je veux être félicité publiquement par le docteur Chestel. Alors en fait c'est un handicap. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que ce serait plutôt une phrase qui dit que tu vas rentrer dans la chambre. Mais en fait on peut utiliser une phrase dans un conflit pour avoir un dé même si c'est un handicap. C'est ça qui est marrant, en fait, c'est que vos faiblesses, elles vous donnent des dés, tout comme vos forces. Et donc, tu as un dé 12, tu en mets un devant toi, en fait, tu le lances pas tout de suite, parce que Scarlett et Laurie t'aident. C'est-à-dire que Scarlett et Laurie, vous pouvez lui donner autant de dés que vous avez de phrases liées au conflit. Alors, je vais commencer par toi, Scarlett. Je pense que ouais, la phrase en question, je l'ai rédigée. Par contre, elle est un peu longue. Ouais. Est-ce que la longueur de la phrase importe ou a un impact sur le jeu? Non, non. Elle est fait de lignes, hein, elle n'est pas non plus une dissertation. Non, non, si vraiment tu peux pas faire plus court, c'est pas grave. Alors, je dois la lire à haute voix, c'est ça? Ouais, je t'écoute. Donc du coup, lié à l'action que tu m'as donc dit, que je me suis réveillée de ma torpeur et que j'ai constaté que la porte était ouverte, je suis un peu inquiète, mais cherche avant tout à protéger la sécurité physique du docteur Chestel, donc je me dirige pour fermer la porte en regardant rapidement autour de moi. Ok. Est-ce que ça convient ou tu veux que je fasse plus court? Ouais, je pense que le plus simple, c'est « Je suis un peu inquiète, mais cherche à préserver la santé physique la du docteur sécurité Chestel. » Physique. Parce que j'ai son corps devant moi, donc j'ai pas son esprit, j'ai que son corps. Ouais, ça suffit en fait. Après, on sait que tu vas checker. Ok. Donc, je te dirai plus tard ce que tu vois en checkant. Là, en l'occurrence, tu aides mentalement en fait Philippe. Donc, avec quelle phrase tu peux l'aider? Avec un sentiment, tu veux dire, en gros, le sentiment le plus fort qu'il y a sur ces trois phases, ce serait la première. Ouais, ok. Bon, très bien. Donc en fait, c'est ton attachement en fait au docteur Chestel puis à cette expédition dans les rêves fait que tu prêtes assistance en fait à Philippe quoi. Bah, Mais disons que par inconsciemment assistance, quoi. je peux savoir où est le docteur Chestel. Donc, disons Ouais. que je l'aide pour arriver à découvrir qu'est-ce que devient le docteur. C'est pas, comment dire, c'est pas l'aider pour l'aider lui-même, c'est l'aider pour savoir Ouais, où se trouve le docteur. C'est on a bien désintéressé. compris, l'éditeur, ton intérêt dans l'histoire. Alors, du coup, Dieter, tu prends un autre dé que tu mets devant toi pour symboliser le dé, en fait, que Scarlett t'a donné. Voilà. Alors, Scarlett, tu pourrais donner d'autres dés, mais je pense pas que ce soit très pertinent vu les phrases que t'as. Ou éventuellement, la troisième phrase, peut-être, pourrait donner un dé, mais c'est pas obligatoire, c'est comme Et tu le c'est sens. par contre quand je donne des dés comme ça, c'est quelque chose que je perds moi. Non, tu perds pas. Par contre, en fait, quand tu aides, tu peux te prendre des retombées positives comme négatives à l'issue du conflit, quoi. Et en fait, du coup, quand tu dis que c'était pas pertinent au niveau des phrases, c'est dans le sens que tu cherchais vraiment le sentiment le plus fort que j'ai pu faire sur ces trois phrases, c'est ça? Non, tu peux mettre plusieurs phrases, en fait. Donc, c'est vrai que la troisième me paraît aussi utilisable. Parce Bon, qu'en bah fait, go, en on part sur protégeant la Philippe, troisième. tu protèges la sécurité physique de Chestel, quoi. Bah, c'est parti. Je te donne donc un autre dé aussi pour la troisième phrase. On arrive à 3D pour Philippe. Laurie, est-ce que tu donnes des phrases aussi? Bah du coup non. Bah en fait non, tes phrases te permettent pas quoi. Alors tu as le droit en fait quand il n'y a aucune de tes phrases qui convient mais que tu veux quand même aider, tu as le droit de donner un seul dé. C'est permis en fait parce que supposons par exemple que tu entends la voix du docteur Chestel. Qui appelle Dieter et puis que tu dis non Dieter n'y va pas par exemple ça te donnerait juste un dé quoi. L'avantage quand on utilise les phrases c'est qu'on peut avoir plusieurs dés, par exemple Scarlett elle en a donné deux. Si tu aides sans tes phrases, c'est juste un dé. Je suis soumis aussi aux conséquences éventuelles si je donne Ah deux oui bien mots. sûr, si tu aides, tu pourras prendre des retombées, ouais. Non, bah j'aide pas du coup. D'accord. Traître. Bon, t'as déjà 3D, Philippe. Hein. C'est cohérent, c'est cohérent. Voilà. Je sais aussi comment ça marche. Alors, donc Philippe, tu vas jeter ces 3D et en fait, il y a trois scores différents que tu peux obtenir. Entre 1 et 2, c'est ce qu'on appelle des sacrifices. C'est-à-dire que ça permet une victoire, mais une victoire qui coûtera des sacrifices. Tu peux, en l'occurrence, des sacrifices de phrases, sachant que quand on sacrifie toutes ces phrases, par exemple, si tu, eh bien, on meurt, quoi. On est mis hors jeu, plus exactement. Les scores entre 11 et 12, ce sont des puissances. Ça permet une victoire, mais une victoire nette. Non seulement on gagne, mais en plus on écrit une nouvelle phrase. Ça, c'est des belles victoires. Et le dernier type de score, c'est entre entre 3 et 10, ce sont ce qu'on appelle des souffrances. Là, on perd, et en plus, on écrit une phrase qui raconte notre défaite, quoi. Alors, du coup, Philippe, je vais te demander ton score. Alors, j'ai fait pas un très beau jet, j'ai fait un 2, donc un sacrifice, et puis ouais. un 5 et un 10. Ok. Alors, en fait, donc ça fait un sacrifice, le 2. 5 et 10, ce sont des souffrances. Un sacrifice, deux souffrances. En fait, quand il y a un sacrifice dans la main, ça tue tout le reste. Donc, en l'occurrence, on retient juste que t'as un sacrifice. Ça veut dire que tu résistes à l'attraction du docteur Chastel, ou de sa voix, en plus c'est peut-être pas lui, hein. En fait, ça te coûte, quoi. C'est-à-dire que tu vas devoir sacrifier une phrase. Tout à fait, mais comme j'en ai qu'une. Alors, ça te mettrait hors jeu. Alors, hors jeu, c'est pas forcément la mort, quoi. Tu pourrais devenir un figurant, par exemple. Et du coup, tu serais obligé de recréer un nouveau personnage. Ou alors, tu peux donner ton sacrifice à un des gars qui t'a aidé. Tout à fait. Tu peux aussi donner à Lori qui t'a pas aidé. En fait, comme Lori t'a pas aidé, il peut refuser. Tandis que Scarlett, si tu lui donnes un sacrifice, elle peut pas refuser. S'il me le donne et que je le refuse, il doit le donner à quelqu'un d'autre ou il est ouais, perdu? Tout à fait. Ouais. Il doit le donner à quelqu'un d'autre. Ça va me tomber dessus. J'aurais pas dû faire une nana toute amoureuse. Moi, si Scarlett, c'est une voix pas d'opposition, là, je parle de joueur à joueur, ça permet de garder Dieter en jeu. Maintenant, si Dieter est hors jeu, je reviendrai sous une forme ou une autre, il n'y a pas de problème. Non, mais ça ne me dérange pas. Moi, je suis là pour découvrir le jeu avant tout, hein. Je dis ça en rigolant. J'ai pas du tout dit ça pour faire changer ton jugement. Ça me dérange absolument pas. Au contraire, comme ça, je ferai un perso un petit peu plus, s'il advient que je meure à mon tour, un petit peu plus intelligent. Ça ne me dérange pas, t'inquiète pas, je suis pas rancunière. Eh bien, alors je t'offre mon dé de sacrifice. Ok. Donc du coup, Scarlett, avec ce dé de sacrifice, tu vas devoir barrer une de tes phrases. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on barre une phrase? Ouais. En fait, il y a un élément de la phrase qui n'est plus vrai. Et il faut que ce soit un petit peu... c'est un sacrifice, donc il faut que ce soit quelque chose qui te coûte. Alors, je vais essayer de te donner un exemple. Par exemple, on pourrait barrer « Je suis émerveillé par la pureté de ses recherches ». Alors pourquoi on barrerait ça en disant par exemple que Au fond, ça m'inquiétait, par exemple, non? ouais voilà tu t'es rendu compte que Philippe il a failli se faire absorber et que du coup le docteur Chastel ou enfin son inconscient ou ses recherches sont peut-être pas si bénéfiques que ça quoi. Ça c'est un exemple, ça peut être tu peux barrer une autre phrase Non, ou je ça peut comptais même pas être sur une autre celle-ci, hein. interprétation en barrant la même phrase. Je comptais bien partir sur celle-ci. Donc du coup, je peux remplacer un mot. Donc du coup. Alors techniquement en fait tu barres la phrase, c'est juste qu'en fait on se rappelle que la phrase n'est plus vraie quoi. Ok, je la barre juste, pas de souci, c'est fait. Alors il faut barrer, moi généralement je barre juste avec un trait pour qu'on puisse lire quand même la phrase derrière quoi. Pas de souci. Ok. Bon très bien. Donc Philippe, donc Dieter, t'as résisté à l'attraction, est-ce que tu vas voir est-ce que t'en fais part aux autres? Est-ce que tu vas voir Daniel? Oui, je vais voir Daniel, mais je ferme la porte de la chambre avant. Ok. Alors, ah oui, tiens, c'est important. En fait, dans le casier du docteur Chastel, il y a un trousseau de clés qui ferme à clé en fait toutes les portes de toutes les pièces. Donc là, à l'heure actuelle, en fait, toutes les pièces sont ouvertes. Compris la porte qui donne sur l'extérieur. Dans le rêve, vous regardez, Oui. elle est ouverte. Eh bien, je la ferme pour Et l'instant. Et alors, en fait, est-ce que je peux juste demander à Daniel, ouais. juste avant de fermer la porte, quelle image il a du dehors, de ce dehors-là? Qu'est-ce que tu as comme image? Qu'est-ce que tu vois? Bien sûr que je vais regarder. Je vais déjà fermer, puis je regarderai par les meurtrières, en fait. Eh ben, en fait, je vais être fourbe. Alors, je m'acharne, tu vas trouver que je m'acharne un peu sur toi, Philippe, mais c'est bientôt un Philippe qui regarde la porte ouverte. Hein. Non, Non, c'est non, Laurie. c'est C'est Laurie. Laurie, ah oui, ok. Ah oui, bah très bien. Laurie, en fait, tu. En fait, t'entends la voix du docteur Chastel et qui fait. T'entends la voix qui fait du docteur Chastel qui dit au secours. Et en fait, on va jouer un conflit pour savoir si tu résistes à l'envie d'ouvrir la porte, enfin, en grand, quoi, elle est déverrouillée mais elle n'est pas ouverte, si tu résistes à l'envie d'ouvrir la porte pour jeter un coup d'œil justement dehors, quoi. Donc c'est la porte du dehors, hein, Ouais, la de porte du l'entrée du dehors. bunker, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Mais moi, j'y vais. Tu vais, c'est-à-dire que tu l'ouvres carrément, fais pas de conflit. Ben, je sors, oui. Ah, ok, ça roule. Bon, bah super. Bah, alors, ah si, justement. Et là, limite, ça peut m'intéresser. Parce que alors, on a testé les conflits simples, on n'a pas testé ce que j'appelle les conflits duels, c'est-à-dire quand il y a un joueur qui s'oppose à un autre. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui s'oppose au fait que Laurie sorte de que Daniel le sorte dehors, quoi? C'est moi Est-ce qui que je peux juste l'ai. interrompre parce que Lucille est quand même en suspens devant son truc qui vient de Ah rentrer. oui, c'est vrai. Ouais, un petit peu, Attends, et je vais te. Du coup, il faut que je te dise. Donc, toi, tu viens de verrouiller la porte dehors, Lucille. Donc dans le monde réel. Et tu jettes, ouais, dans le monde réel, tu jettes un coup d'œil, en fait. Et en fait, tu te rends compte que toutes les portes des autres pièces sont entrouvertes, tu vois, ballantes. Et en fait, il y a eu un courant d'air. Et toutes les portes, tu vois, elles bougent un petit peu, quoi, à cause du courant d'air. Est-ce que je peux partir du fait que je trouve ça logique, qu'il y ait une interaction potentielle entre ce qui se passe dans le rêve du docteur Chastel et ce qui se passe actuellement dans la réalité? On pourrait pas dire que c'est logique, mais après, c'est vrai que vos premières recherches sur l'égrégore tendent à prouver que l'égrégore est là un impact sur le monde réel. Donc, est-ce que pour me rassurer, je Donc. pourrais me dire, en fait, il se pourrait qu'il y ait un. Ça serait, disons, pour me rassurer et pour me dire de repartir un petit peu sur du logique, hein, c'est ce à quoi je me tiens. Pour me rassurer, je me dis peut-être que cette espèce de courant d'air, ces portes ballantes, ouvertes, ce serait potentiellement une nouvelle piste qui prouverait que ce qui se passe actuellement dans l'esprit du docteur Chastel se passe aussi actuellement dans le monde réel. Oui, c'est extrêmement rassurant. Bah oui, mais bon. Bah non, c'est intéressant. Moi, je vois mon perso comme vraiment quelqu'un d'axé sur l'intellect. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, je me disais que ça pourrait être intéressant sur le fait que ce serait quelque chose à étudier aussi. J'ai mon obsession, mais j'ai aussi mon intellect. Ok. Tu fais cette déduction et je pense qu'au moment là où tu fais cette déduction, t'as pas le temps d'aller plus loin, c'est-à-dire de vouloir explorer ou faire quelque chose. Et il y a justement, tu vois dans les vidéos. Ah oui, tiens d'ailleurs, on va faire un truc je pense qu'il nous aidera en fait. Je vais considérer que, et si t'es d'accord, en fait Lucille, tu as des Google Glass. Hein. Des quoi? De, Ah, les, les, oui, je comprends, des, oui. des, des lunettes à réalité augmentée. Oui. Et en Oui, du coup, fait, dans le rêve, nous, on voit ce qu'elle voit sur dans le le. verre droit, tu as une projection en fait en transparence avec ce que tu vois vraiment. Tu as une Ouais. projection de ce que voit Dieter dans le rêve, et sur le verre gauche, tu as une projection de ce que voit Laurie. Ce qui fait qu'en fait, tu peux te balader dans le bunker et tu pourras même sortir et tu peux continuer à voir. T'es pas tout le temps obligé d'avoir l'œil rivé sur un écran. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu Par vois tout ce qui se passe sur tes contre, lunettes. disons qu'en soi, l'idée, oui, pourquoi pas. Le Ouais. problème, c'est que par contre, ça peut me faire perdre pas mal en termes d'orientation, de réflexion, de réaction, de vigilance, tout ça. Donc c'est vrai que là-dessus, ça m'ennuie un petit peu, je t'avouerai. Après, l'idée en soi Dans est ces bonne, cas-là, dans mais. ces cas-là, y a pas de souci dans ces cas-là. À limite, on n'a qu'à dire que ça existe, mais t'as décidé de pas les enfiler. Ouais, tout simplement, ouais. Et tant que t'es dans la pièce, tu peux surveiller l'ascenseur parce que les écrans sont assez grands. Mais dès que tu sors de la pièce, tu sais pas ce que tu vois. Tu vois plus ce qui se passe dans les rêves. Sans doute que tu peux entendre via des écouteurs, mais tu vois plus quoi. Et sinon, je peux pas, disons, les avoir sur moi et dès que je sors de la pièce, comme ça, je les enfile. Ouais, ok. Bah tiens, je vais être vache. En fait, si tu t'en saisis là, en fait, tu n'y as pas pensé avant. Et en fait, si tu veux t'en saisir, tu pourras pas aider Philippe dans ce conflit parce que tu seras occupé. Ah non, ouais, autant pour moi, parce qu'on a l'heure d'aider, même si on fait autre chose. Non, bah très bien, c'est dans ta poche. Marche. Ok. Donc du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à ce que Laurie sorte dehors? Non. Moi, je ne veux pas tellement m'opposer à ce qui sort, je voudrais m'opposer au fait qu'il ouvre la porte au lieu de la fermer. Ok. Bon, du coup, on va reformuler l'objectif du conflit. Si Laurie, donc en fait, on va faire un conflit entre Daniel contre Dieter. Si Daniel gagne, eh bien, il arrive à ouvrir la porte. Et si Dieter gagne, bah, évidemment, c'est la porte reste fermée, quoi. Alors, en fait, c'est important que les objectifs des conflits soient très. L'objectif, c'est ce qui se passe en fait quand le conflit est gagné. Il est important que ce soit très précis en fait, parce que c'est. Vous allez voir que ça aura plein de petites conséquences. Donc, ce que je vous propose comme objectif, si Daniel gagne, il ouvre la porte. Ça, c'est l'objectif. Le contre-objectif, c'est ce qui se passe si Dieter gagne. Si Dieter gagne, en fait, Daniel peut pas ouvrir la porte. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la porte est verrouillée, quoi. Elle est juste fermée, quoi. Donc, du coup, on va faire un conflit duel entre Daniel et Dieter. Scarlett, est-ce que tu veux aider l'un ou l'autre? Non, je reste Ok. neutre pour cette fois-ci. Alors, je commence par celui qui était à l'origine du conflit, c'est toi, Daniel. Est-ce que t'as... Soit je sais pas si tu peux utiliser une de tes phrases en fait dans le conflit. Et si, Je m'en rends compte. en fait, le docteur Chestel m'appelle et moi je veux l'espionner et là je suis Ouais. dans son inconscient donc je veux aller au cœur de son inconscient en fait. Ouais, tout à fait. Donc ça te fait un dé, quoi. Quant à toi, Philippe, je sais pas si tu peux utiliser ta phrase pour t'opposer. Bah pour moi, oui, je veux être félicité par le docteur Chestel, donc je veux avoir une attitude qui puisse évaluer positivement. C'est pas rationnel de sortir comme ça sans s'assurer de ce qu'il y a dehors, Ouais, donc sans vérifier en vrai. en protégeant ton équipe, tu te montres digne du docteur, quoi. Voilà, exactement. Ouais, enfin, on a vu quand même que le docteur, il était pas spécialement prudent, hein, parce qu'il a fait une expédition dans la chambre vide sans vous prévenir. Il a laissé la porte du bunker ouverte, parce qu'elle était verrouillée quand vous êtes allé vous dormir. Et c'est forcément lui qui l'a déverrouillée, puisqu'il n'y a que lui qui avait les clés. Donc, bon, la prudence du docteur Chestel, je sais pas si elle est si proverbiale que ça. Ok, donc ça vous fait un dé chacun. Donc vous allez jeter chacun le dé à votre dé de votre côté. Voilà, j'ai fait 11, 12. Ok. Donc là, il y a une égalité en fait. Ouais, il y a une égalité, c'est-à-dire vous avez tous les deux puissance. En cas d'égalité, en fait, c'est celui qui a ce qu'on appelle l'attaquant, en fait, celui qui a transformé le conflit en duel qui gagne. Donc en l'occurrence, Philippe, comme tu t'es opposé, c'est toi qui va gagner. Donc, je te laisse nous raconter en fait comment l'objectif est atteint, enfin comment tu fais pour empêcher Daniel d'ouvrir la porte. Simplement, quand je suppose que c'est une porte qui s'ouvre vers l'intérieur, et quand je Ouais, vois tout à fait. qu'il va l'ouvrir, je me plaque dessus, je lui dis attends, je ne veux pas créer un conflit profond entre nous, mais au moins gagner ce temps-là. Ouais. Alors Scarlett, ce que tu vois au fait au moment où il crie attends, visiblement à proie à une grande nervosité, hein. Tu vois l'aigre en fait, bon, tu vois ces constantes cardiaques qui s'affolent, mais ce que tu vois aussi c'est l'égrégore que produit Dieter, elle s'affole également, quoi. Visiblement sous le coup de l'émotion. Et au final, est-ce que par le biais d'une de ces deux personnes, j'ai pu voir un petit peu ce qu'il y avait dehors? Ne serait-ce Ouais. que Okay. Ouais, subrepticement? en fait, bon, je considère que, ouais, à la limite, Laurie et Philippe, vous avez pas vu, mais Scarlett, bah sûr, on vous avait tous vu, de toute façon, je vais pas vous faire chier, parce que, avec les Grégor, vous pouvez très bien dire que vous voyez, donc, dehors, c'est la forêt. Donc, de ce que vous avez pu voir, hein, c'est la même forêt que dans le monde réel. En fait, vous imaginez des monceaux de feuilles mortes, mais vraiment beaucoup en fait. C'est une sorte de cimetière de feuilles et plein d'arbres petits et grêles, hein, des arbres très noirs avec les branches qui commencent à apparaître seulement à partir de 2 mètres. Hein. Et à partir de 2 mètres, par contre, c'est des branches très tordues, comme des bras recroquevillés. Et en fait, toutes les branches noires des arbres, elles recouvrent entièrement le ciel. C'est-à-dire que même en plein jour, de toute façon, il fait quasiment nuit. Et ce que vous avez cru voir, en fait, donc en ouvrant le bunker, en ouvrant la porte, ça a fait un appel de lumière dans la forêt, quoi. Comme une... Donc vous avez vu vos propres silhouettes complètement étendues, quoi, par le jeu d'ombre et lumière. Et aussi, vous avez vu une silhouette humanoïde dans la forêt qui vous fixait. Donc du coup, c'est un genre d'ombre avec Ouais. les yeux qui ressortent. Tu sais pas, une ombre noire. Non, t'as pas vu des yeux, c'est juste une ombre noire, quoi. Une ombre humanoïde, ok. Et Ouais. on peut pas l'apparenter à quelqu'un qu'on connaît, donc. C'est juste un truc humanoïde, enfin, Ouais, une c'est ombre. trop furtif, ouais. Tu vas Ok. en ouais, non, tu sais Ça pas quoi. pourrait Marche. être le docteur Chestel, comme. Ouais, bien sûr, comme ça pourrait être autre chose. Daniel, je viens d'entendre la voix du docteur dans la chambre du vide. Normalement, il ne peut pas être à deux endroits à la fois, même dans son rêve. Je peux leur parler? Oui, peut-être, mais avant ça, en Oh, fait, pardon. il faut qu'ils, en fait, ils ont tous les deux eu une puissance, et il faut que vous écriviez une phrase de puissance. C'est une phrase, en fait, qui raconte un béni, pour Philippe, ça va raconter la victoire, le fait que t'as empêché Laurie de commettre une imprudence. Et pour toi, Laurie, alias Daniel, ça va dire un bénéfice collatéral. En fait, de ta défaite, par exemple, tu peux raconter que t'as vu une ombre, tu vois. Ou ça peut être autre chose. Par exemple, tu peux très bien aussi dire, je suis bien content que Dieter m'ait empêché d'ouvrir la porte. Ça peut être ça, quoi. Alors, sachant que vous n'êtes pas obligé d'écrire vous-même votre phrase de puissance, vous pouvez la donner à quelqu'un d'autre. Par exemple, Philippe, tu peux donner ta puissance à Scarlett, c'est tout à fait possible. Avant de décider, je vais vous demander de tirer le thème de votre puissance. Donc, Philippe, jette un dé, s'il te plaît. Oui. 6 de nouveau, Donc, société. Philippe, toi, ce sera une puissance en Je société. suis quelqu'un de très sociable. Et Laurie, je vais te voir un dé. J'ai fait 6 aussi. Donc, ok. Alors, Laurie, à qui tu donnes ta puissance de société? Je le garde. Ok. Et Philippe, à qui tu donnes ta puissance de société? Je vais la garder également. Ok. Donc, je vous laisse l'écrire et puis après on laissera. Donc, Lucille avait des choses à vous dire. Bon, encore une fois, je rappelle parce que c'est pas inutile de le redire. Bon, si vous êtes à l'aise avec les thèmes, c'est tant mieux parce qu'ils sont là pour produire des histoires en plus. Mais vous avez tout à fait le droit d'ignorer un thème si ça vous ennuie, si vous avez une meilleure idée pour votre phrase. Ou alors, des fois il est possible, des fois on a une idée pour la phrase et puis le thème c'est juste un truc, un petit vernis qu'on plaque par-dessus, quoi. Moi, j'avais pensé à je protège mes proches. Peut-être pour l'orienté société, je protège les autres. Philippe, ouais, d'accord. Je protège les autres, c'est super. Ok. Et quant à toi, Laurie? Dans tes exemples de société, il y a voyage. Ouais. Ça pourrait être fasciné par l'ailleurs, quoi. Ouais, j'ai du mal à voir le lien avec société en fait. Mais le extérieur avec un grand E me fait l'œil. Bah, je t'en prie, fais-toi plaisir. Qu'y a-t-il à l'extérieur? Ok, ça roule. Donc du coup, Lucille, tu t'adressais à eux par le micro. Oui, à eux deux. Est-ce que, juste une petite parenthèse avant, est-ce que du fait que donc ma deuxième phrase a été barrée, est-ce que du coup Ouais. ça a un impact sur la personnalité de mon personnage? Est-ce que ça me sort un petit peu de ma torpeur amoureuse ou pas du tout? Ben, ça a forcément un impact, parce que du moment que c'est toi qui as choisi quelle phrase tu barrais, faut forcément que tu en tiennes compte. D'accord. Après, c'est toujours, t'interprètes comme tu veux. Tu peux toujours être fasciné par le docteur Chastel, mais estimer que ses recherches lui comment étaient dangereuses pour lui, quoi. Pas de souci, je sais déjà ce que je vais dire. Ok. Donc, je m'adresse à Daniel et à Dieter. Je leur dis donc dans le micro, vous ne trouvez pas cela étrange que le docteur Chastel cherche à tout prix à vous nuire? Vous ne trouvez pas cela étrange aussi qu'il vous ait espionné de cette manière, qu'il ait donc interrogé votre entourage, vos proches, qu'il vous ait pris, je sais pas, vous vous posez pas la question surtout de pourquoi des photos de quand nous dormons? J'ai quelques hypothèses. Ne vois-tu pas que dans son rêve, la salle du vide est noire, que dehors tout est mort, tout est noir, il se sent seul et il nous attend. Mais attends, pour combler quoi? Faut attendre pour nous qu'on soit à sa place, qu'on, je sais pas, qu'on partage sa tristesse, ou peut-être ça serait peut-être plus quelque chose de malveillant. Il nous veut peut-être du mal, peut-être qu'il veut nous utiliser à mauvais escient. Si tout est noir comme ceci, si vraiment il aurait voulu nous accueillir dans quelque chose de plus confortable, déjà vous seriez ailleurs que dans le bunker, vous seriez dans une pièce conviviale. Que là, on est dans une pièce froide, justement, comme tu viens de le faire remarquer, où tout est en mort, quoi, tout simplement, est en noir, est en aspiration, avec cette chambre du vide, là, tout à l'heure, que j'ai pu voir. Il ne nous invite pas, il nous appelle à l'aide. Je trouve ça inquiétant. Moi, il m'a Méfiez, enfin, faites invité attention à cordialement. vous, du moins. Si tu ne comptes pas l'aider, moi je compte l'aider. Je regarde dans les casiers, je continue à fouiller dans les casiers pour savoir s'il n'y a pas un dossier sur Chestel. Le trousseau de clés du docteur, est-ce qu'il a la clé de mon casier? Ouais, alors en fait, oui, il a un double des clés des casiers de tout le monde, sachant que je considère que vous avez bien sûr, des clés de vos propres casiers. D'ailleurs, c'est un fait étrange, c'est-à-dire que même dans le rêve, vous avez sur vous les clés de vos casiers. Et alors, pour répondre à Laurie, il n'a pas de dossier sur lui. Mais par contre, alors ce que je peux te dire aussi, c'est que t'as pas eu le temps de trop de regarder ton dossier, mais t'as quand même eu le temps de voir que en fait Chastel savait très bien que t'étais un espion. Ok. Donc Et ça, je le vois que. moi aussi, par exemple, du coup. Quand il lit son propre dossier, Daniel, est-ce que je peux voir moi aussi que c'est un espion? Oh ouais, à ce stade, ouais, je pense que oui. Mais de toute façon, à cause de l'égrégore, dès que je dis un truc à un joueur, tu peux l'utiliser pour toi. Donc, ouais, bien sûr. Et oui, donc, bon, sur. Bah tiens, je vais être rigolo. Bon, tant qu'à faire, hein, autant servir tout le monde. T'as eu le temps aussi de voir vite fait le dossier de Philippe, hein, en On n'a tant que pas encore scientifique. ouvert. Ah non, vraiment, on a dit que. Non, bah, okay, Mais personne ne l'a ouvert. j'allais le faire, mais on n'a pas encore D'accord. Ok, très bien. Pour le moment, il n'a pas été ouvert. Voile pudique là-dessus. Et ouvert. donc, il n'y a pas de dossier pour Chastel. Par contre. Par contre, dans mon dossier, donc Daniel, est-ce qu'il y a des flacons de sang aussi, des échantillons de sang aussi ou pas? Oui, il y a des échantillons de ton sang. Et oui, et ce que j'allais dire, c'est qu'à la place du. De Chastel n'a pas de dossier, mais il y a une prise de sang à son nom. Et t'as dit qu'il y avait une seringue sur le lit au début. Ouais, il y a tout ce qu'il faut pour se faire une transfusion sanguine. Oui, c'était une transfusion sanguine. Non, au début, tu avais dit qu'il y avait la seringue pour se faire avec l'injection, pour se plonger dedans. Dans le sommeil. En fait, il y a tout un tas de produits hein, et de seringues, du coup. Il y a un produit, effectivement, pour se plonger dans le sommeil. Y a dans le rêve. Ouais, un sommeil, ouais, dans ouais, un sommeil encore. Ouais. Et il y a du sérum de mémoire cellulaire et il y a tout ce qu'il faut aussi pour se Mais faire une transfusion sanguine. si un des joueurs qui décide donc de se plonger dans le sommeil, lui-même dans le sommeil du docteur Chestel, pardon, Ouais. est-ce que je vais voir ce qu'il va voir encore ou pas? Eh ben non, mais en fait tu il y a des en fait il y a des écrans dans le rêve. Oui, mais tu des écrans. Donc en fait si quelqu'un va dans l'infrarêve dans une troisième couche, on peut dans le rêve, on peut voir dans les écrans du rêve, on peut voir ce qu'il y a dans l'infrarêve. Ah oui, mais si, bah non, autant que J'ai je un peu mal à réfléchisse. comprendre là, je Non, t'avoue. non, non, effectivement, si quelqu'un non, non, tu verras pas en fait, tu verras pas dans tes propres écrans, tu verras pas ce qui se passe. Donc je verrai de la neige aussi. Sauf si ouais. Quelqu'un. Si c'est quelqu'un qui reste en rêve intermédiaire. Lucille, tu as Scarlett, t'as très bien raisonné. Tu verras de la neige. Ça veut dire que Chestel, il est C'est peut-être probablement, là. en fait, il est en train de. Je peux émettre l'hypothèse avec les joueurs ou pas? Ouais, tout à fait, ouais. Je suis en train de penser à quelque chose. Tout à l'heure, j'ai vu que vous étiez passé à côté de seringues. Le fait est que je trouve ça assez étrange. Je me pose la question depuis le départ, pourquoi je ne vois pas ce que Chestel voit. Peut-être qu'il s'est plongé lui-même, encore une fois, dans son propre sommeil. Je ne sais pas si vous me suivez, dans le sens qu'il est endormi et qu'il s'est encore une fois de plus endormi dans son propre sommeil pour peut-être, je ne sais pas moi, Aller plus loin. Je regarde sur les écrans pendant qu'elle nous dit ça. Est-ce qu'on voit ce que Chestel voit? Franchement, je sais pas. Regardez ce rythme cardiaque. Est-ce que, je sais pas, peut-être qu'il veut utiliser son inconscient ou quelque chose d'autre? Est-ce qu'il Alors en fait, oui. réagit? Alors dans les écrans, vous voyez, en fait, l'image est très saccadée, mais en fait, il y avait tellement de choses à voir, vous n'étiez même pas rendu compte. Ou peut-être que c'était pas allumé au départ, mais en fait, on voit Chestel en train de se battre avec une créature humanoïde noire, quoi. Une ombre noire, quoi. Ouais. Et le bunker de son rêve, en fait, de l'infrarêve, est envahi par la forêt, par les racines dans tous les sens, quoi. C'est qu'il est allé encore plus au plus profond de lui-même, je pense. Plus les racines prennent prise, et plus il va au profond de lui-même. Et peut-être ce fond-là, c'est quelque chose d'assez perverti. Est-ce que la créature contre laquelle il se bat, je peux le voir, moi, de mon côté. Si quelqu'un regarde l'écran, je peux le voir aussi, normalement. Oui, bah, tout à fait, ouais. Et Est-ce que donc, du coup, c'est quelque chose de ressemblant avec ce qu'on a vu à l'extérieur du bunker dans le. Quand Daniel et Dieter ont eu un conflit pour fermer ou ouvrir la porte. en fait, c'est possible, mais si tu veux, en fait, Chestel est en train de se battre, ou en train de se débattre, on sait pas, quoi. C'est un peu comme quand tu filmes à la caméra à l'épaule, quoi. Et donc, l'image, elle est hyper merdique, et en fait, on voit pas bien, quoi. On voit pas bien son adversaire. Du coup, ça peut être la même chose que dans la forêt, effectivement. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'il est dans le bunker. S'il est dans l'infrarêve et qu'il a respecté, s'il a répété le protocole qu'il utilise au départ, il était dans la chambre du vide pour plonger au niveau Peut-être, inférieur. peut-être, ça se trouve, le corps endormi de Chestel est peut-être dans la chambre du vide. Par contre, si vous décidez vous aussi de le rejoindre, je ne pourrai absolument pas vous aider. Essayez vraiment de prendre une décision qui soit intelligente et qui fasse en sorte que vous ne preniez pas non plus trop de risques. Alors, je vais me permettre de vous interrompre là. C'est par rapport au chrono, en fait, là, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va encore jouer seulement un quart d'heure. Petit, hein, parce qu'en fait, dans la vraie vie, il est tard, et puis en plus, il y a quelqu'un qui dort chez moi, donc je vais pas l'empêcher de dormir trop longtemps. Et puis petit 2 aussi, c'est parce que pour les auditeurs, c'est pas la peine de faire une partie de 4 heures. Là, je pense ils en ont déjà bien assez pour voir un peu comment fonctionne le truc. Donc, il nous reste un quart d'heure de jeu. Donc, la question que je vous pose, c'est Est-ce qu'on peut continuer sur un tempo, enfin, sur une ambiance assez sourde, comme on a fait jusqu'à présent? Ça veut très certainement dire qu'on finira en fait avec un mur blanc, c'est-à-dire qu'on sait pas, on saura pas la fin, quoi. Ce qui peut être intéressant, hein, c'est après tout. Sinon, on bourrine un peu. Ou alors on bourrine pendant un quart d'heure, c'est-à-dire que là, du coup, les choses s'accélèrent dans le quart d'heure qui suit. Qu'est-ce que vous préférez? La seringue, est-ce qu'il y a de quoi plonger trois personnes? Tu peux Bon, pas bien venir, moi, sûr. avec vous pour le moment. Il faudrait moi aussi que je me plonge dans le sommeil pour vous rejoindre. Eh bien, c'est tout à fait possible, non? Bah Tu ouais, l'as c'est bien tout à fait vu. possible. Qu'est-ce que tu me proposes comme argument convaincant pour que je le fasse? En sachant que si je le fais, Le même que tout à l'heure, tu avais un doute sur le fait que peut-être il nous voulait du mal et là on confirme ce que je supposais. Il a besoin d'aide, il est en train de se battre peut-être contre lui-même, peut-être contre autre chose, mais il a besoin d'aide et il faut qu'on aille le chercher là où il est. Ça veut dire quand même qu'on laisse nos corps sans protection contre quelque chose. Vous avez bien vu quand même une chose. Si il a quand même laissé donc la porte du bunker ouverte, il y a quelque chose qui est entré ou il y a eu un courant d'air, je n'arriverai vraiment pas à définir ce que c'est. Ça Le m'a pris. seul danger qu'il y a dans le rêve, c'est cette forme noire qui est la projection de l'ennemi du docteur Chestel. Toi, dans la réalité, tu es sur une projection encore plus faible de ça. Donc ce n'est que des mouvements Thomas, plus. ça pourrait pas être un conflit de faire venir Lucille Non, non, mais il m'a convaincu. Dans tous les cas, j'allais le faire. Bon bah dans ces cas-là il n'y a pas de conflit. J'allais Sauf le si Ça m'a après vous convaincu de voulez toute vraiment façon. dissuader quoi mais. Bah, disons que s'il faut que je continue, il faut que je joue mon perso comme je l'avais pensé. Surtout, c'est quand Ok. même quelque chose d'assez fort. Donc, je pars sur le fait que je veux savoir, je veux Ouais. sauver le docteur. Donc, du coup, je décide de m'endormir aussi. Ok. Bon, donc tu t'endors maintenant? Oui. Ok. Donc la Bon bah. question c'était est-ce qu'on peut y a assez pour plonger les trois Oui, bien sûr, dans la il y a fin enfin, rêve. c'est open bar. Donc, bah, l'instant d'après, Lucille se réveille à vos côtés, quoi. Et donc, il n'y a plus personne pour protéger vos corps. Ouais, c'est ça que je disais, ça qui me fait un peu la trouille, quoi, mais bon. Donc, on va faire, nous, on ferme toutes les portes Et à clé clé en attendant. vous ne savez plus du tout ce qui se passe dans la réalité. Ouais. On va se faire pourrir. Plus vite on ira, Alors, plus vite on remontera. oui, tout à fait. Qui est-ce qui a les clés déjà? Ça doit Tout être parle. moi, je crois. Ouais, je Mais pense, hein, tout on à va fait. fermer les. On va fermer les portes. Vous fermez toutes les portes? Oui. Ok. Et vous faites quoi? Et on va s'endormir. Est-ce qu'on va voir la chambre du vide avant ou pas? Ou est-ce Non. qu'on essaye de se... Non, Non. ok, d'accord. On sait qu'il est dans la chambre du vide. Ouais. Je m'endors avec les clés dans la main. Je m'endors Ok. à côté de toi. À côté de Daniel, pardon. Ok. Donc vous endormez tous les trois, hein, si j'ai bien suivi. Hein. Je les laisse prendre un tout petit peu d'avance et je vais dans la chambre du vide. Ok. Oui, il n'y a pas de personne s'oppose à ce qu'il y a cette petite trahison, parce qu'on aurait presque pu faire un conflit pour empêcher Mais ça, en fait. encore une fois, on est conscient de ça. Bah Donc, ouais, moi, vous je pouvez pense dire que vous en que êtes conscient grâce à l'égrégore, quoi, que vous vous rendez tu compte qui pourrais vous êtes. pressentir avant de t'endormir qu'il y a un truc qui cloche. Alors, dans ce cas-là, je m'oppose à ça parce que pour moi, c'est une trahison, c'est qu'il vient pas nous aider pour sauver le docteur Ok. Chastel, donc c'est qu'il a des intentions qui sont différentes des nôtres. Je D'accord. m'oppose à ça. Daniel, tu peux aider soit Dieter, soit Lucille. Aucun des deux, puisque je. Alors, l'objectif, je pense, ce que je te propose, Dieter, ton objectif, c'est si tu. Bah non, en fait. Mais en fait, moi, je veux protéger les autres. Je pense que le danger et le docteur Chestel sont dans la chambre du Oui. vide. Et j'ai toujours cette recherche de reconnaissance. Donc, si c'est moi qui le sauve et qui protège les autres. Ouais. En fait, voilà ce que je propose. Si Lucille gagne le conflit, en fait, elle pressent que tu veux pas t'endormir en même temps qu'eux, et puis en fait, elle te force à t'endormir avant elle. Du coup, tu pourras pas faire ce que t'as prévu. D'accord. Ça vous va? Ça roule. Ça me convient. Ok. Un des 12? Alors, Lucille, bah, autant de dés que tu as de phrases liées au conflit. Bah, il m'en reste. Ah, lié au conflit. Ouais. Ah, alors du coup, tout. Donc, soit parce que ce La serait une motivation ou un handicap. Hein. J'ai une question sur les règles aussi. Tu as dit qu'on pouvait Oui. aider avec un Oui. dé même si on n'avait pas de phrase. Ouais. Est-ce qu'on peut s'opposer avec un dé même si on n'a pas de phrase? Bon, en fait, ça s'équivaut à oui, tout à fait, ouais. Moi, disons que j'en ai qu'une qui sont en rapport avec avec ce conflit, donc ce serait la première Ouais, du ok, fait que donc je ça veux te fait. connaître le docteur Chestad jusque dans les tréfonds de son âme, donc je n'utiliserai que cette phrase-là, Ok, ça pardon. roule. Dieter, Donc, je suppose que ta je protège les autres. tout à fait. Est-ce que tu utilises la première aussi? J'utilise la première aussi, oui. Oui, bah, de toute façon, c'est très logique, hein. Tu vas avoir la primeur de la découverte du corps du docteur Chestel. Donc, c'est pour ça que tu as la chambre du vide. Donc, ça te fait 2 dés. Alors, finalement, Laurie, est-ce que tu aides l'un ou l'autre? Non. Non, ok. Alors attends, parce que attends, si ça parle du corps du docteur Chestel, dans ce cas-là, ça me fait prendre aussi ma deuxième phrase. Ah Parce que ouais, ma bah ouais, deuxième phrase, c'est que je suis un peu inquiète, mais je cherche avant tout à protéger la sécurité physique du docteur Chestel. Donc ça veut dire que j'aurai deux phrases aussi. Ouais, tout à fait. En l'occurrence, ce serait plutôt un handicap, je t'explique pourquoi. C'est parce qu'il y a, en fait, si Philippe veut aller dans la chambre du vide, c'est parce qu'il pressent que le corps du docteur Chestel y est. Donc en fait, il y va pour protéger le docteur, quoi. Le fait que tu lui en empêches, c'est pas bon pour le docteur. Mais du coup, c'est très bien. C'est un handicap qui te donne un dé. Donc du coup, ça me fait 2D, c'est ça? Ouais, 2 dés contre 2 dés. Donc je vous laisse lancer. Alors juste, tiens, je m'arrête, hein, pour les auditeurs. Donc en fait, dans les duels, il peut y avoir aussi des assistants, c'est-à-dire que Laurie, il aurait pu donner des dés à l'un ou l'autre pour en tant qu'assistant, quoi. Bon, il a pas décidé de le faire, mais il aurait pu. Alors, Ceci ok. dit, j'ai quand même à l'esprit que tu fais un mini tutoriel, donc si Ouais. tu veux que j'aide, je le fais. Ouais, alors je veux bien, ça nous aidera, ouais. Ok. Je vais Du coup, aider qu'est-ce que tu aides? Lucille alors. Ok. Avec quelle phrase? Non, pardon, Dieter. je vais aider Dieter. Avec quelle phrase? J'ai lu le dossier sur Lucille et elle me semble plus utile en infrarêve que j'y aille avec elle Ouais. plutôt qu'avec Dieter. Ouais, c'est pas mal. Donc, du coup, tu donnes un dé à Dieter, c'est ça, hein? Je donne un dé à Dieter. Ok, bon, bah alors, Philippe, t'as 3 dés et c'est Lucille, 2 dés. Alors moi j'ai fait 9 et 6. Moi j'en ai déjà Ok. lancé 2, je lance le troisième, mais j'ai un très beau jet, j'ai 6, 11, 12, j'ai 2 Alors, puissances. ouais, donc Philippe a 2 puissances, une souffrance. Quant à toi, Lucille, excusez-moi, j'arrête pas de faire des allers-retours entre les prénoms de vos persos puis vos vrais prénoms. Donc Lucille, tu as 2 souffrances, hein, c'est ça, t'avais 9 et 6. Hein, Ouais, exact. donc 2 souffrances. Donc en fait, puissance contre souffrance, c'est Philippe qui l'emporte. Donc Philippe, il y avait 2 personnes dans ton camp. Donc en fait, tu peux garder autant de puissance que de personnes dans ton camp. Donc tu peux garder les 2 puissances. Et tu peux garder autant de souffrance que de personnes dans ton camp. En l'occurrence, moi, t'en as qu'une de toute façon. Donc en fait, tu gardes tous tes 2 puissances et ta souffrance. Quant à toi, Scarlett, t'avais 2 souffrances. Tu peux en garder autant que de personnes dans ton camp. Bon, il n'y a que toi. Donc toi, tu vas garder juste une souffrance. Alors, avant de gérer ça, de toute façon, alors donc. En l'occurrence, donc juste j'explique comment l'objectif de Lucille n'est pas atteint. C'est-à-dire que en fait, au moment de t'endormir, t'as pas le pressentiment que finalement t'as pas le pressentiment que Dieter va vous trahir. Ou alors tu oses pas l'en empêcher, on ne sait pas trop quoi, c'est à toi d'en décider. Où elle s'endort avant. Oui. Ouais, voilà. Genre peut-être que tu t'en rends compte, mais avant que t'aies le temps de dire quelque chose, le sédatif t'assomme, quoi. Genre tu peux dire, ah, dites enfoiré, puis, bah, ouais, c'est comme tu le sens, quoi. Et donc et tu t'endors. Donc Philippe, t'as Oui. 2 puissances. J'ai de voir les dés pour les scores des thèmes. Je ne peux pas ou je ne dois pas les redistribuer. Si tu peux les redistribuer, Laurie, si t'en donnes à Laurie, il est obligé d'accepter parce qu'il t'a aidé. Tu peux les garder pour toi. Tu peux aussi en proposer à Scarlett, mais elle peut les refuser, comme elle n'était pas dans ton Tout à camp. fait, tout à fait. Moi, comme on va, je vais en donner une à Laurie, comme Alors, il tu m'a me donnes une aidé. souffrance ou une puissance? Une puissance. La souffrance, elle ne fait rien, si je me souviens bien. Alors, je crois, enfin, là, j'ai les règles sous les yeux, tu peux l'ignorer, visiblement. Ouais, tu peux ignorer la souffrance, ouais, tout à fait, ouais. Donc, Si tu veux. je donne une puissance à Laurie. On ira plus vite pour écrire nos phrases à Ouais, deux. ok. Ah, jette les scores. Et la souffrance, tu la gardes ou tu l'ignores? Je veux la garder. La différence étant que C'est une phrase aussi, mais qui reflète une souffrance. Ouais, je pense, Je vais ignore-la, parce qu'on n'a l'ignorer. pas le temps, ignore-la, ouais. Voilà. Et alors, trois natures. Donc ta nature, et c'est quoi l'autre thème? Moi, j'ai fait un folie. Alors en théorie, en fait, c'est Philippe qui jette pour les deux. Ah, pardon. Ouais. 4 corruptions. Parce que c'est important parce que du coup, Philippe, si tu choisis laquelle tu donnes, si tu donnes une puissance en nature ou une puissance en corruption. Mais je donne la corruption, comme ça c'est Ok, ça ne clac. change pas grand-chose. Ok, alors Scarlett, je m'occupe de toi. Donc toi, tu as une souffrance. Jette le dé pour le score, s'il te plaît. Un des 12. Ouais. J'obtiens 8. 8, c'est la religion. Tu sais quoi, je pense que là, c'est trop compliqué de placer la religion. On va ignorer le thème. Tu as une souffrance, neutre. Merci. Ça D'accord? marche. Oui, pas de problème. Je vous laisse écrire vos phrases et puis on passe à la suite. Moi, comme dans nature, il y a voyage, et que je vais quand même dans un endroit inconnu, je vais dire, je veux aller voir ce qu'il y a au-delà. Attendez, qu'est-ce qui parle là? C'est Philippe, l'éditeur. Ah oui, d'accord. Du coup, j'ai pas compris. Est-ce que je dois écrire une phrase en ignorant le thème que j'ai eu par mes dés, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Ok. Une phrase de souffrance, en fait. Bah, qui explique ta défaite dans le conflit, quoi, hein, tout simplement. Et pour moi, donc Laurie, ma phrase sur la corruption, ça sera connaître cette ombre, c'est connaître le docteur. C'est connaître quoi? Le docteur Chestel. Ok, d'accord. Et quant à toi, Scarlett? Je n'ai pas eu le temps de contrecarrer éditeur. Ok. Bon alors, je vais faire très vite parce que là, on va finir. Fais un conflit de masse ou pas? Non, non, on va faire de conflit de masse. C'est une règle optionnelle. Ça me paraît pas. On va faire un seul conflit. Alors, je vous explique ce qui se passe dans l'infrarêve. En fait, quand vous arrivez dans l'infrarêve, il y a des traces de lutte, il y a du sang par terre, il y a le même matériel en fait que dans le rêve, sauf que tout est renversé, cassé, les seringues sont cassées, tout ça. Il n'y a plus qu'une seringue de chaque sorte qui est en état de marche. Les écrans, c'est de la neige. Il y a de la forêt a complètement envahi le bunker. La porte du bunker, de toute façon, est grande ouverte. Il fait extrêmement froid. Et donc, je disais qu'il y a des traces de lutte. Et en fait, le docteur Chestel n'est plus là. Il y a une traînée de sang qui va jusqu'à la chambre vide. Par contre, il y a l'ombre. Et en fait, de ce que vous pouvez voir de l'ombre, c'est une sorte de clone du docteur Chestel, mais en fait recouvert de plein de petites racines, enfin, presque comme des tentacules, quoi, vraiment vivantes, qui bougent et qui n'arrêtent pas de grandir, quoi. Mais en fait, on voit bien son visage, et surtout toi, Lucille, tu reconnais en fait, surtout ses yeux, quoi. C'est les yeux du docteur, quoi. Alors, Et de toute façon, quand vous arrivez avec une, c'est avec la voix du docteur, mais bon, de très saturé en fait. Il vous fait Laurie, non, Daniel, Lucille, il vous reconnaît quoi. Alors pendant ce temps-là, toi, Dieter, t'es rentré dans, en fait, t'as pris ton courage à deux mains, t'es rentré dans. Est-ce que tu t'es éclairé d'une façon ou d'une autre? J'ai essayé, mais j'ai pas perdu de temps. Ouais, non, mais en fait, quand tu rentres dans la chambre vide, ton genre, t'as pris une lampe de poche, elle s'éteint direct. Et en fait, tu vois rien. Dans la chambre vide, en fait, tu sens le corps du docteur. Et son pouls bat faiblement. Tu passes les mains sur son visage et tu vois qu'il est en proie à une fièvre intense. Son corps se débat, tu vois, il est en proie à un cauchemar intense, quoi. Et peut-être que si tu le réveilles, tu vas le sauver, quoi. Parce que tu sens que ce qui se passe dans son cauchemar est en train de le tuer, quoi. Ok. Bah, concrètement, la docteur Chastel est à l'agonie. Je vais essayer de le réveiller si je pense que c'est la bonne solution. Je sais que, ouais. que Daniel et Lucille sont dans son rêve, mais tant pis. Alors, on dit pas tout de suite ce qui se passe. Je repasse à Lucille et Daniel. L'ombre, en fait, vous dit « Je vous interdis d'aller voir dans la chambre vide. » Alors, l'infrarêve est vraiment blindé d'égrégores. Les oscilloscopes, en fait, s'affolent complètement, sont complètement saturés. Dans la chambre, là où t'es éditeur, c'est pareil, en fait. Tu sens, t'as pas ton oscilloscope, mais en fait, il y a tellement d'égrégores que ça te fait mal à la tête, ça te donne envie de vomir, quoi. Pareil, hein, pour Daniel et Lucille, ouais, c'est vraiment pris d'une nausée énorme. Comment, l'ombre vous dit, n'allez pas chercher le docteur, il est mauvais, c'est un esprit sec, complètement obsédé par ses recherches. Restez avec moi. Moi j'ai des sentiments et tout. Je suis ce qui reste de ces sentiments et moi je pourrais vous aider. Lucille, je pourrais t'apporter l'amour que tu recherches. Daniel, je pourrais te rendre tes souvenirs, parce que en fait, je sais que tes concurrents ont prétendu qu'ils avaient tes souvenirs, mais c'était un mensonge. Par contre, moi, je les ai. Je peux te les rendre. Donc, voilà ce que je vais vous proposer, en fait, histoire de faire un seul conflit global. Concrètement, bon, de toute façon, si vous n'obéissez pas à l'ombre, il essaiera physiquement de vous empêcher d'aller dans la chambre vide. Et puis, très exactement, ce qui va se passer aussi, c'est que il va aussi parce qu'en fait, l'ombre existe aussi dans le monde réel, et il va aussi essayer de, si vous vous opposez à lui, il va essayer de tuer vos corps dans le monde réel. Donc, en fait, grosso modo, c'est un conflit pour ou contre l'ombre. Si t'es pour l'ombre, bah, en fait, tu ne rentres pas dans la chambre vide pour sauver Chastel, et il essaie pas de vous tuer, quoi. Si vous êtes contre l'ombre, ça veut dire que Lucille et Daniel, qui êtes dans l'infrarêve, vous rentrez dans la chambre vide pour sauver le vrai docteur Chastel. Et puis Dieter, dans le rêve, tu essayes de réveiller le docteur Chastel. Tout on s'y met tous pour dire de le sauver, au moins. Ça... Voilà. On aura quand même plus de dés tout un chacun. Ok. Alors, ce que je vous propose. Est-ce que tout le monde est d'accord pour jouer dans le même camp, c'est-à-dire pour le docteur Chastel contre l'ombre, si j'ai bien compris. Non, moi je joue contre le docteur Chastel. Ouais, toi tu veux récupérer ton souvenir. Donc en fait, grosso modo, ça veut dire que tu vas empêcher Lucille d'entrer dans la chambre. C'est ça, quoi. À ton niveau, c'est ce que tu peux faire, quoi, pour jouer dans le coin de l'ombre. Ouais, ça veut dire que je lui dis ok, on... elle tue les deux autres et le docteur Chestel, quoi. Je m'occupe de Ah Lucille ouais. pendant qu'elle s'occupe de Ok. dans le rêve de Dieter, quoi. Ouais, d'accord. Donc Lucille, éditeur, vous êtes toujours dans le camp du docteur Chastel, on est d'accord? Oui. Ok. Alors, je considère que Daniel, il est l'attaquant. C'est-à-dire que c'était un conflit simple, il l'a transformé en conflit duel. Alors, j'ai besoin de savoir qui va lancer dans le camp de l'ombre. Dans le camp du docteur Chastel, j'ai besoin de savoir qui va lancer les dés. Est-ce que c'est Dieter ou Lucille? Alors, je repose une question aussi. Ouais. Toujours comme c'est un tutoriel, si tu préfères qu'on soit tous dans le même camp. Non, je trouve ça beaucoup plus intéressant que vous soyez opposés pour le final. Ok, ça marche. Oui, alors qui va lancer les dés dans le camp du docteur Chastel? Est-ce que c'est Dieter ou Lucille? Comme tu veux, Moi, je m'en c'est n'importe, je fiche. vois pas les implications que ça peut Ça avoir, change donc. quoi, ouais, du coup, que ce C'est soit. pour la C'est celui qui distribution décidera. des dés à la fin, quoi. Oui, bah, comme c'est moi qui ai distribué des dés jusqu'à présent, Scarlett, vas-y. Donc, du coup, ça fait que j'ai combien de dés au final? Alors, justement, on va faire l'inventaire. On va commencer par toi. Quelle phrase tu peux mettre pour combattre l'ombre? Protéger la sécurité physique, je suis pas certaine. Ouais, si, bah complètement, hein, complètement, parce que. Connaître le docteur Chestel, ça prend pas. Et contrecarrer Editor non plus, donc il n'y en aura qu'une. Alors, si, ta première, tu peux l'utiliser. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu veux connaître le docteur Chastel jusqu'au moindre tréfonds de son âme. En l'occurrence, si tu acceptais de passer dans le camp de l'ombre, tu connaîtrais les tréfonds de l'âme de Chastel parce que il en est l'incarnation, en fait. Donc, en fait, c'est un handicap, cette première phrase. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, en aidant le docteur Chastel, tu renonces à avoir accès au tréfonds de son âme. Oui, mais derrière, je suis sûr que c'est sa sécurité physique. Ouais, tout à fait. Donc, est-ce que tu es d'accord pour mettre les deux phrases là? Donc, ça te fait 2D. Daniel, quelle phrase tu mets pour jouer dans le camp de l'ombre? Tu peux Puisque redire les phrases et puis explique. je vais m'en prendre à Lucille, j'ai lu son dossier, donc Tu connais ses points faibles. je connais ses points faibles. Je me suis demandé ce qu'il y avait à l'extérieur, il y avait cette ombre qui m'intriguait. Là, je l'ai face à Ouais, moi, ouais. et en m'alliant à elle, je veux en savoir plus. Connaître Connaître cette ombre, c'est l'ombre, connaître c'est ses points connaître le faibles. docteur Chestel. Elle Ouais. dit qu'elle. Enfin. Que c'est une face du docteur Chestel. Et T'avais la première, la le labo qui. première, je pense qu'elle me dira effectivement ce que je veux savoir Ouais. sur le Parce docteur que t'as ta Chestel et première que phrase, il faut le dire à haute voix, en fait, hein. le labo Sotcom veut que j'espionne le docteur Chestel et je pense cette ombre me dira des Tout ce qu'il y a choses à savoir. sur le docteur Chestel que je pourrais revendre au labo. Ouais, puis bon, c'est pas écrit dans les phrases, mais on aurait pu faire une phrase d'ailleurs là-dessus. Mais plus important encore, tu auras accès enfin à tes souvenirs perdus, Ouais, quoi. je n'ai pas cette phrase, Ouais. ça n'apparaît nulle part, je suis d'accord. Ok, donc ça te fait 4D, en fait tu fais tapis. Ouais, je Et fais donc, tapis. Dieter, tu apportes des dés pour Lucille. Oui, Vas-y, je tu peux me lire pense. les phrases. Alors, je vais être félicité publiquement par le docteur Chestel, bah, Voilà, si on lui si sauve tu la le vie sauves. quand Ouais, même. carrément. Je protège les autres, Ouais, et tout à fait. notamment le docteur Chestel, et je veux aller voir ce qu'il y a au-delà. On peut l'avoir. Bah, je veux savoir ce que le docteur Chestel a vu, pour ça il faut que je le réveille. Ou alors au Ok. contraire, j'abandonne la recherche vu qu'on Ça recule pourrait être un un handicap, handicap ouais, pour que ça tout à marche dans fait. les deux sens. Ouais, ce serait un handicap plutôt là, ouais, tout à fait, mais Donc voilà, ça te ça fait fait 3 3D. dés. Ok, donc Ça ça nous fait en fait 5 en tout, 5 ouais. dés pour le camp de Lucille et 4 dés pour le camp de Laurie. Je lance les Alors, dés. lancez les dés tous les deux, ouais, s'il vous plaît. Alors j'ai fait 12, 5, 3, 5 et 7. Putain, j'ai que de la merde. J'ai 4 souffrances. Ok. Donc ça veut dire que le camp de Lucille gagne. Yeah. Donc en fait. Tu fais Alors. la règle machin ou pas? Alors on va distribuer les dés. Hein. Donc là, tout ce qu'on peut dire en fait, c'est que Lucille, tu te prêtes, t'arrives quand même à aller dans la chambre vide. Ouais, tu fais la règle là où je l'ai pas sous les yeux en fait. De quelle règle tu parles, Laurie? Où tu peux gagner un pouvoir si t'acceptes. Ah ouais, mais non, là, j'en ai pas du tout parlé. C'est une règle optionnelle, effectivement, la règle des pouvoirs. J'en ai pas du tout parlé dans la partie. Il est bien trop tard pour l'introduire. Ça marche. Ouais. Ok, donc on va faire. Bon, pour savoir ce qui se passe exactement là, on sait juste que Dieter et Lucille, en fait, conjointement, réussissent à réveiller le docteur Chastel, à quitter l'infrarêve avant que l'ombre puisse agir, quoi. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances ce qui se passe. Je pense que c'est les phrases qui vont nous le dire. Donc, distribution des phrases. Donc, Lucille, tu peux me redire, tu avais combien de puissance et de souffrance? Puissance, j'en ai une. Après, j'ai 2, 5, 1, 3 et 1, 7. Donc, tu avais une puissance et 3 souffrances. Tu peux en garder que 2, parce qu'il n'y avait que 2 personnes dans ton camp. Donc, ça fait une puissance, 2 souffrances. Moi, ce que je te propose, vu l'heure, c'est d'ignorer les souffrances, en fait. Ça marche. Ça, c'est juste une puissance à écrire. Tu jettes le dé pour savoir le score. 8. Ok, c'est une puissance de religion. Décidément, la religion, elle s'acharne contre moi, là. Ouais. Alors, ça peut être la foi, hein, si tu veux, la foi ou la confiance, hein, parce qu'en l'occurrence, pour caser le thème de la religion. Alors, tu peux aussi la donner à quelqu'un, hein, t'es pas obligé de la garder pour toi. Non, je la garde pour moi. Ok. Et alors, Laurie, tu as en fait, t'as 4 souffrances, mais comme il n'y avait qu'une personne dans ton camp, tu peux en garder qu'une. Donc, je jette juste un dé pour le thème. J'ai fait 2. Souffrance de mémoire. Souffrance de mémoire. Ah, bah, c'est génial. Je ne retrouverai jamais mon souvenir manquant. Ouais. Ok. Et pour l'histoire, je pense que je vais préciser ce souvenir. Ouais, vas-y, on t'écoute. Je ne me souviendrai pas que j'ai eu un fils. Oh, c'est moche. C'est une Florenza. Ok, alors Lucille, tu as une puissance de religion. Donc à quoi tu pensais ? Toujours le même truc hein, depuis le début. J'ai toujours eu une entière foi sur la combativité du docteur Chastel. Ok. Alors, je vais vous laisser chacun votre tour très rapidement raconter comment ça se finit pour vous, quoi. Enfin, je compléterai, hein, mais comment vous réagissez, ce que vous faites exactement, quoi. Bah, je commence dans ce cas-là, vu qu'il n'y a personne qui se lance. Moi, pour ma part, donc après cet événement, j'ai donc arrêté d'essayer de comprendre le docteur Chastel. Disons que je suis toujours autant attirée par lui. Puis, par contre, ce n'est plus vraiment de l'obsession, ça reste toujours de l'admiration. Mais je resterai toujours une personne fidèle dans ses études et voilà. Ok. Philippe ou Laurie ? Philippe, si tu veux bien. Oui, pas de problème. Ben moi, je reste le petit toutou fidèle du docteur. Je suis bien content de savoir que Lucille est une concurrente, alors que elle ne sait pas que moi j'en suis un. Et moi, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Ok, ben. Oui. Donc, moi, je fais un rapport au labo Setcom sur le docteur Chastel, ou en tout cas ce que j'ai appris de lui, et je m'apprends que le flacon était perdu, ou le truc marche pas, et je reste comme un con dans ma trahison. Ah oui, en fait, t'auras pas le temps de faire ton rapport, parce que donc... grosso modo, si j'ai bien compris, donc tu vois, Lucille, elle réveille le docteur Chastel, et puis juste après, en fait, il y a Dieter qui vous réveille tous les deux. vous passez tous les deux dans le rêve. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous êtes là, c'est Chestel qui vous réveille, qui vous ramène dans la réalité. Donc il y a les, vous retrouvez, vous réveillez dans la réalité, et en fait, vous entendez un bruit qui vient de la chambre vide.